السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فحياكم الله عز وجل وبياكم. Ce soir nous sommes inshallah ta'ala mercredi 4 Jumada Thaniya 1428, c'est-à-dire le 20 juin 2007 بإذن عز وجل. Nous allons commencer, inshallah ta'ala, aujourd'hui le livre de Kitab al-Nikah. Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah, min Kitab al-Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni'. Zad al-Mustaqni', c'est un grand savant hanbalite qui s'appelle Hajjawi, qui l'a écrit. Il a plusieurs tomes. Je crois qu'ils sont au 13e tome. 13e ou 14e tome, celui-là c'est le 12e tome, Kitab al-Nikah. Il parle du mariage, il est expliqué par Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah, et celui-là, inshallah ta'ala, c'est le premier cours. Je pense, Allah subhanahu wa ta'ala, que pour finir ce livre, c'est-à-dire ce qui a rapport avec le mariage, il faut à peu près 25 ou 30 cours. 25 ou 30 cours. Celui-là, c'est le premier cours, bi'idhnillah azzawajal. Si jamais il y a quelqu'un qui a ce livre en arabe, qui peut se procurer le 12e tome en arabe, hein, s'il veut, inshallah ta'ala, m'aider, parce que ça me ferait beaucoup plaisir, qu'il yani, prenne le livre là et qu'il suit avec moi, c'est-à-dire, bon, il prépare yani, une semaine en arabe, bien sûr, il prépare ce que je vais dire moi en arabe, et lui, il l'écrit en français, du moins, il écrit des passages, ou bien des hadiths, ou bien des versets, ou bien. Naam. Fa jazahallahu an l'islami wa anna khayran. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Abdillah, est-ce qu'il est là? Naam. Abdillah, je t'enlève le point rouge, inshallah ta'ala, pour me suivre. Naam. Pour me suivre. Pour que je sache au moins que je suis pas déconnecté. Naam. Tayyib. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إلى دي النكاح في اللغة يطلق على أمرين. النكاح أنا غابون دي النكاح. نعم. يطلق على أمرين. إلى دو سنس. يعني il peut, on peut entendre par le mot نكاح un sens comme on peut entendre le deuxième. Le premier sens, العقد. العقد. C'est-à-dire l'acte lui-même du mariage. L'acte lui-même, comme moi, yani un homme peut se marier avec une femme, il a besoin de son tuteur, et les deux wali. Pardon, j'ai dit les deux wali. Son wali et les deux témoins. Naam. Ensuite, il y a l'ijab al-qaboul. Je suis venu vous demander votre fille X. Il faut la citer, bien sûr, il faut la citer. Ou bien citer ces descriptions qui permettent de la discerner et la différencier des autres filles si ce monsieur yani, a d'autres filles. Naam. On va arriver à ça, à l'étihal. Ça va arriver, inshallah ta'ala. Ça s'appelle, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'acte de mariage. On a fait l'acte. Donc, le nikah, des fois, c'est l'acte. Naam. Et des fois, c'est le jima'. Et des fois, c'est le rapport sexuel. Donc, quand on dit en arabe, nakaha, c'est ou bien il a fait un acte de mariage, ou bien il a fait le rapport conjugal. Ou bien il a fait le rapport conjugal. Ou l'aslu fi l'awwal. Et en général, Yani, la base, c'est quoi? C'est que quand on entend le mot nikah ou bien le verbe nakaha, on doit, yani, en règle générale, dire qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de l'acte. Il ne s'agit pas du rapport conjugal. Il s'agit de l'acte. فقول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. طيب je commence inshallah ta'ala par essayer d'afficher ça une seconde inshallah ta'ala. Non, c'est le travail qu'un autre aurait dû faire. Maalesh. طيب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées. Non, n'épousez pas. لا تنكحوا. نكح ينكحوا النكاح. C'est quoi ici? C'est l'acte de mariage. Ce n'est pas le deuxième sens. Ce n'est pas le rapport conjugal. وأما قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. وأما قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. كونتا lorsque الله تعالى a dit jusqu'à ce que elle épouse. Je n'ai pas ici le verset. Non, j'ai oublié de mettre ce verset. Allah تعالى a dit dans le Coran حتى تنكح زوجا غيره. Ici حتى تنكح, ça veut dire ce n'est pas jusqu'à ce qu'elle se marie. Non, ce n'est pas jusqu'à ce qu'elle se marie, mais jusqu'à ce que le nouveau mari ait elle le rapport conjugal, fasse avec elle le rapport conjugal. Il y a, comme je viens de dire, cela dépend du contexte. Dans le premier verset qu'on a vu, n'épousez pas. Nakaha, c'est l'acte, le mariage lui-même. Et dans le deuxième verset, lorsque Allah Ta'ala a dit, hatta tenkiha zawjan ghayra. Ça veut dire, d'abord, une seconde, je l'ai trouvé ici, subhanallah, il est là, une seconde, non, parce que il n'est pas du début, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Et ici, il a dit, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا. S'il divorce avec elle, c'est-à-dire s'il la divorce, c'est un homme, c'est un époux, divorce la femme pour la troisième fois, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Regardez, subhanallah al-azim, ça c'est quoi? C'est la traduction du Coran. C'est pour ça que je vous ai dit que quand quelqu'un traduit le Coran ou là, mais traduit une chose de l'arabe en français, il faut vraiment qu'il soit fort, il soit balèze dans les deux langues, sinon il ne peut pas. Là, c'est une faute. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, s'il divorce avec elle, elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. En fait, ce n'est pas vrai. C'est quand elle n'aura pas fait le rapport avec l'autre. C'est pas l'acte ici, c'est pas épouser. Bien sûr, vous allez me dire, si elle épouse, c'est qu'elle fait. Non, pas obligatoirement. Quelqu'un peut épouser une femme et ne pas la toucher une semaine, ou là un an, ou là deux ans. Il la touche pas pour des raisons. Non. Donc, ici, normalement, il aurait dû dire, tant qu'elle n'aura pas fait le rapport conjugal avec le nouveau mari. Ce n'est pas seulement épouser. Épouser, c'est plus global. On peut épouser et ne pas faire le rapport. Mais quiconque en islam a fait le rapport, c'est que là, il a quoi? Il a une épouse ou bien mukliyamin. Il n'y a pas une autre chose. Non. طيب. Ici, يقول الشيخ الله يرحمه فهنا قال بعض العلماء المراد بالنكاح الجماع. Ici, il a dit, les ulama ont dit quoi? On dit que c'est le jima, c'est l'acte. Pardon, c'est le rapport conjugal. Et yani, quel est le dalil? Quel est le dalil? On a dit que la base, c'est que le verbe nakah et le mot nikah, c'est en général pour l'acte de mariage, c'est pas pour le rapport. Quel est le dalil ici que c'est pour le rapport? Ils ont dit c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ici, dans ce hadith. Je ne l'ai pas en français, c'est dommage, je l'ai en arabe, ma'alish. Mais juste pour que vous me suiviez, inshallah ta'ala. Oum Abdullah, tu m'écris un. Lorsque, dans le Sahih Bukhari, une femme, ja'at imra'atu rifa'a al-qurdi, al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, faqalat kuntu inda rifa'a fatallaqani. فأبدت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. Cette femme qui a été divorcée de son premier mari, et bien sûr pour la troisième fois, elle s'est remariée avec un autre. Elle s'est remariée avec un autre. Et sans qu'il la touche, elle a décidé de quitter avec celui-là pour revenir à son premier. Car on dit que le premier mariage, il est très difficile pour la femme d'oublier son premier mari. Non. Surtout s'il était bien avec elle, aimable, etc. etc. Non. Donc celle-là, elle a voulu revenir à son premier mari. Qu'est-ce qu'elle a trouvé comme excuse? Elle a montré. Elle a pris un peu comme ça de son habit, je crois, de son hijab. Car dans cette hadbari, il a dit, quand elle est venue au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle portait sur sa tête un khimar, un foulard vert. Et Aïcha radiallahu ta'ala anha a dit, subhanallah, yani, son corps était vert, yani, comme son khimar, yani, tellement elle a été frappée. Elle a pris comme ça un peu de son hijab, elle l'a comme ça yani, pris, et elle a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit, yani, mon mari, celui-là, yani, le nouveau avec lequel je me suis marié, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire le rapport conjugal. Elle lui a dit yani, qu'il n'avait yani, rien, il ne pouvait pas, etc. Elle a donné l'exemple de, en lui montrant un peu de ses vêtements. C'est difficile que je vous montre comment. C'est-à-dire qu'elle a pris comme ça un peu de ses vêtements, comme pour dire que yani, voilà, yani, son membre, c'est à peu près comme ça, et il ne peut pas, etc. Non. Au point où Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, qui était assis à quelques mètres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit à un autre compagnon, radiallahu ta'ala anhu, qui attendait la permission pour rentrer, lui a dit, tu n'entends pas ce qu'elle est en train de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, yani, elle a yani, l'audace, si on peut dire, de dire des choses comme ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand elle lui a dit ça, il a souri. Une seconde. Salam alaikum wa rahmatullah. Fais saute. Alaykoum salam wa rahmatullah. J'ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri. Ou bien, par acquiescement, il a acquiescé ce qu'elle a dit. Naam, il a dit, yani, c'est comme s'il voulait dire, yani, elle n'a pas eu de pudeur pour dire ceci. Yani, c'est comme s'il a acquiescé, ça ne fait rien. C'est parce que c'est quelque chose dans le din. Dans le din, on n'a pas honte de parler. C'est pas on fait comme certains gens qui, dans le din, ne parlent pas, mais ils restent ensemble, ils voient la télévision, ils voient des choses obscènes. Non, là, ils n'ont pas honte. Mais dans le din, ils ont parlé, ils ont honte de poser des questions. Zama, fen muhim. Et certains ont dit qu'il a souri, sallallahu alayhi wa sallam, par étonnement, yani, comment une femme, yani, peut être attachée à son mari, à son premier mari, au point de dire des choses comme ça. Et lorsqu'elle a dit cette chose comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remarqué deux garçons avec elle. Il a dit à Benouk, ce sont tes enfants, ses enfants, pardon, subhanallah, comment il a des enfants et il ne peut pas faire cette chose? Comment il a des enfants et il ne peut pas faire le rapport conjugal? Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, là, hatta tadouqi usaylatahu wa yadouqa usaylatak. Hatta tadouqi usaylatahu wa yadouqa usaylatak. C'est-à-dire jusqu'à ce que vous fassiez le rapport. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employé le mot usayla, qui est le diminutif de asal. L'asal, c'est le miel. Jusqu'à ce que tu goûtes son miel et jusqu'à ce qu'il goûte ton miel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné en parabole le rapport conjugal. Il l'a comparé au miel. Pourquoi? Parce que le miel, il est sucré. Parce que quand on mange du miel, yani, on sent une saveur, etc. C'est la même chose quand quelqu'un fait le rapport avec son épouse dans le halal. Ils sont la même chose. Naam. Ensuite, donc, Cheikh Ali Rahmatullah a dit le mot nikah. Donc, il est mouchtarak bayna ma'nayayn. Il peut être employé pour l'un des deux sens. Bihasbi ma yudaf ilayhi. D'après à quoi on l'annexe. d'après à quoi on va annexer ce mot. Naam. Il a dit in udhifa ila ajnabiyya fa huwa al-aqd. Regardez. Le mot, le verbe nakaha, si on l'emploie avec une étrangère, une femme avec laquelle on peut se marier, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'acte. Si je dis par exemple nakahtu fulana. Fulana c'est qui? Ce n'est pas ma femme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire je me suis marié avec elle. Mais si il est annexé à l'épouse, ça veut dire c'est le rapport conjugal. Si je dis, ou bien on dit, Fulan nakaha zaujatahu. Zaujatahu, ça veut dire il n'a pas fait l'acte de mariage avec sa femme, mais il a fait le rapport avec sa femme. Amma fi shar', mais dans la religion, ça, ce qu'on a vu, c'était étymologiquement. Maintenant, on va voir dans la chair et astilahan, qu'est-ce que ça veut dire al-nikah. Al-nikah, dans la sharia, c'est quoi? هو أن يعقد على امرأة بقصد الاستمتاع بها. C'est qu'il fasse un acte de mariage, un contrat de mariage, il contracte mariage avec une femme dans le but de la jouissance et des rapports conjugaux, وحصول الولد, et l'obtention des enfants, pour avoir des enfants. وغير ذلك من مصالح النكاح. Et ce qui s'ensuit des intérêts du mariage. Donc, parmi l'un des buts, c'est yani, la jouissance et le rapport conjugal, ainsi que l'obtention des enfants. D'ailleurs, c'est dans le Coran. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُهُنَّ أُجُرَهُنَّ. Non, c'est pour ça que l'époux, quand il donne à sa femme, à l'épouse, il lui donne la dot, c'est en contrepartie de quoi? En contrepartie de yani, ce qu'il fait avec elle comme rapport et ce qu'il jouit d'elle, etc. C'est pour ça que si la femme ne veut pas lui donner ces choses-là, qui sont ses droits, il peut ne pas lui donner quoi? Ne pas dépenser yani, en elle. Non, ne pas dépenser, ne pas faire les dépenses en elle. Pourquoi? Parce que elle l'a empêché de ses droits. Et le contraire aussi, lui aussi, quand elle se marie avec un homme, s'il lui donne pas la dot, elle peut ne pas le laisser l'approcher. Elle peut ne pas le laisser faire le rapport conjugal avec elle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné la dot. Et la dot est en contrepartie. Non? C'est pour ça que même si une femme, par exemple, va chez ses parents, là, je ne sais pas où elle va s'en dire, par exemple, à son mari, non? Bien sûr, elle a fait un itm d'être sortie sans demander la permission, et il peut, yani, il n'est pas obligé ce jour-là, en son absence par exemple, de dépenser en elle, de lui dépenser, yani, de lui acheter ce qu'elle veut, etc. Pourquoi? Parce que les dépenses, c'est en contrepartie des rapports. Naam. Et c'est pour ça que, aussi, Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahou a dit que c'est l'une aussi des causes de la femme qui peut ne pas laisser faire son mari faire des rapports avec elle si ne lui donne pas, par exemple, à manger, ne lui achète pas les choses dont elle a besoin, les choses bien sûr, mais nécessaires. Les choses nécessaires. C'est pas il va lui acheter le portable ou l'aile. Non, c'est pas à cause des choses nécessaires. Il ne lui achète pas à manger, il ne lui achète pas pour s'habiller, elle n'a pas de vêtements, elle ne peut plus sortir, elle n'a pas de vêtements, elle n'a plus à manger à la maison. Naam, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, on va le voir quand on va arriver, Inch'Allah, dans le livre, je ne sais pas s'il est dans ce livre ou dans un autre, que dans ce cas, ce n'est pas interdit si elle ne le laisse pas faire le rapport. Naam. Ensuite, il a dit, وَهُوَ سُنَّةٌ وَهُوَ سُنَّةٌ. Maintenant, الْمَاتِن الْحَجَّاوِ عَلَى رَحْمَةُ اللَّهِ a dit, وَهُوَ سُنَّةٌ. Le mariage, c'est une sunna. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وقد ذكر الفقهاء أن النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة. Il a dit, les ulama ont dit que en ce qui concerne le mariage, yani, il comprend les cinq jugements. Non? Il peut être obligatoire, il peut être seulement conseillé, il peut être seulement permis, il peut être déconseillé le mariage, et il peut être haram. Des fois, il est haram. Quand il a dit, wa huwa sunna, Cheikh Ibn Uthaymin Rahmo a dit, هذا هو الأصل في حكمه. C'est ça la base. La base, c'est de dire du mariage que c'est qu'il est sunna. Il a dit comme ça. ذلك لحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولما فيه من المصالح العظيمة التي ستبين أو تتبين فيما بعد. Il a dit à cause de ce qu'il comprend comme يعني grand intérêt qu'on va voir après. Ensuite, il a repris, Cheikh Ibn Uthaymin Rahmo a repris, il a dit وقوله وهو سنة, il a dit, et lorsqu'il a dit, c'est-à-dire الحجاوي على رحمة الله, lorsqu'il a dit وسنة, le mariage c'est une sunna, يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج, خرجه البخاري وغيره. يعني l'assemblée des jeunes, ou bien vous, le groupe de jeunes, les groupes de jeunes, quiconque de vous peut, yani, a la possibilité de se marier, qu'il le fasse. Non? Et vous remarquez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ya ma'shar shabab, il a parlé ou l'a interpellé, disons, les jeunes, ya ma'shar shabab, il n'a pas dit les vieux, parce que le cheb, quand quelqu'un est jeune, c'est là qu'il est plein de force et c'est là qu'il est plein de puissance et c'est là qu'il est, yani, plein de, yani, disons, c'est pas comment qu'on dit ça, nashat, c'est-à-dire il est dynamique, il est vif, etc. C'est pas comme un vieux. Non. Il a dit man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, quiconque a al-ba'a, al-ba'a falyatazawwaj. C'est quoi al-ba'a? Il a dit wal murad bil-ba'a an-nikah, c'est-à-dire la puissance, la possibilité de se marier, c'est-à-dire la puissance dans le corps et la puissance en argent. Et il a dit, ça va venir un peu plus loin avec des détails. Naam, quelqu'un pour qui se marie, quelles sont les conditions, au moins les deux premières conditions. La première condition, il faut qu'il ait la puissance de pouvoir faire, par exemple, des rapports conjugaux. Sinon, pourquoi il va se marier? Naam, s'il est malade, pourquoi il va rendre le conjoint, il va le rendre malade? Naam. Et la deuxième condition, il faut qu'il ait de quoi la nourrir ou la faire habiter, de quoi yani, l'habiller, yani, subvenir à ses besoins. Ce n'est pas comme maintenant, beaucoup aiment la deuxième, la troisième femme, alors qu'ils ne travaillent même pas. Ils ne travaillent même pas, ils disent, je vais marier la troisième et la quatrième. Masha'Allah, yani, en sautant sur cette condition. C'est comme si ça n'existe pas, cette condition. Ils ne voient seulement que le côté yani, tentation, c'est tout. C'est tout ce qu'il voit. Non. Ensuite, il a dit, وَهُوَ أَيْضًا مِنْ سُنَنَ الْمُرْسَلِينَ. Le mariage aussi, c'est yani, une sunna des messagers. Même les messagers se marier. Non, même les messagers se marier. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, voilà le verset, il a dit, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers et leur avons donné des épouses et des descendants. Vous remarquez, nous leur avons donné des épouses et des descendants. Ça veut dire même les messagers se marier. Ça veut dire que si on se marie, déjà on est en train de suivre la sunna de qui? Des messagers qui étaient avant nous. Naam. Tayyib. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَنْكِحُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَعَ. نعم. فَنْكِحُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَعَ. Ça aussi c'est un dédil. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit فَنْكِحُ, yani épouser, yani il a permis 2, 3, 4. Donc c'est un dédil aussi qu'il est bien de se marier. Mais l'autre dédil c'est quoi? Il a dit ici, لأن عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه, un compagnon qui s'appelle عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه, qu'est-ce qu'il a dit? قال لو أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاختصينا ولكن نهانا عن التبتل. Il a dit, si le prophète صلى الله عليه وسلم nous avait permis, on se serait castré comme ça pour ne plus avoir le plaisir, pour ne plus avoir le plaisir. Il a dit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nahana nous a interdit de vivre dans le célibat. C'est pour ça que yani, c'est une sunna de se marier. Quand on dit sunna, on va montrer que sunna, ce n'est pas yani, seulement mustahab. Vous allez voir. Non. Il a dit parce que le mariage contient beaucoup d'intérêts et d'avantages. Non. C'est pour cela que c'est une sunna, le mariage. Et parce que la nation ne peut exister que s'il y a le mariage. Non, s'il n'y a plus de mariage. Supposez que tout le monde dise, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me marier. Personne ne va plus se marier. Ça veut dire que la progéniture va s'arrêter. On va s'arrêter là. Non. Il a dit, il a dit, parce que s'il n'y avait pas de mariage, il n'y aurait pas eu yani, la prolification. Non, il n'y aurait pas eu l'engendrement des enfants. Et s'il n'y a pas la prolification, et s'il n'y a pas l'engendrement des enfants, il n'y a plus de nation. Là, ça va s'arrêter. Il a dit, il dit, et des fois, la chose, elle peut, yani, elle peut être demandée, une chose peut être demandée sans que sa demande ne soit stipulée. Non, du fait de quoi? Des grands intérêts qui en résultent. Des fois, une chose, c'est pas la peine qu'il y ait un hadith ou un verset qui dise faites cette chose si la chose en elle-même contient quoi? Contient de grands intérêts. Non, de grands intérêts. Là, on comprend qu'en général, l'islam est venu pour, yani, les tahqiq al-masalih wa daf' al-mafasid, pour qu'il y ait yani, les intérêts et pour empêcher, éloigner les maux, etc. Il a dit ici, al-matin ala rahmatullah. Maintenant, en montant en haut, c'est le matin. Et Cheikh Ibn Uthaymeen va expliquer ce que dit al-matin. Le matin a dit, wa fi'luhu ma'a shahwati afdalu min nawafilil ibadah. Wa fi'luhu ma'a shahwati afdalu min nawafilil ibadah. Il a dit, le fait de se marier pour quelqu'un qui a des désirs, c'est mieux que les nawafil, c'est mieux que les adorations surérogatoires. Quelqu'un qui a des tentations dans son cœur, quelqu'un qui a le désir pour se marier, celui-là, c'est mieux pour lui que par exemple d'aller à l'Umra Nafila, ou bien d'aller à l'Hajj, une deuxième Hajj, troisième Hajj Nafila. Celui-là, il vaut mieux qu'il se marie. C'est yani, prédominant. Naam. C'est, yani, c'est dévancé, si je puis dire. Naam. Pourquoi? Parce que se marier pour quelqu'un qui a des désirs et des tentations est yani, en première position. Ensuite viennent les adorations surérogatoires. Et Cheikh Larmou ici a dit, naam, il est mieux que les adorations surérogatoires, mais pas mieux que les adorations obligatoires. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith Qudsi que tout le monde connaît, dans le Bukhari et les autres, qui est sahih, il a dit « وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ » Il a dit, Allah ta'ala a dit, il n'y a pas quelque chose qui fait rapprocher mon serviteur de moi comme les choses ou les adorations obligatoires. Naam. Si tu veux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en faisant les choses obligatoires. Naam. وَمَا زَالَ عَبْدِي comment il a dit la fin, وَمَا تَقَرَّبَ إِلِيَ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ مِنْ افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلِيَ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, alors multiplie les nawafil, multiplie les adorations surérogatoires. Donc Allah ta'ala n'aime pas quelqu'un qui ne fait pas quoi? Qui ne fait pas les adorations obligatoires. Non, beaucoup de gens disent Allah ta'ala sait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur, même si je ne fais pas la prière. Et l'autre, elle dit, même si je ne mets pas le djibab, mais Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans le cœur. Et Allah Ta'ala même, et ceci et cela, et c'est bien sûr seulement des prétentions. Tant que la personne ne fait pas l'adoration obligatoire, cette personne n'est pas aimée par Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et si tu veux, naam, et si tu veux que Allah Subhanahu wa Ta'ala t'aime, il faut faire quoi? Il faut faire les adorations surérogatoires. Non. Ensuite, il a dit, لكن النوافل هو أفضل منها. فالنكاح إذا كان لدى الإنسان شهوة وعنده مال يستطيع به القيام بواجب النكاح فإنه أفضل منه في العبادة. Il a dit, si quelqu'un a des désirs et des tentations, ensuite il a de l'argent pour se marier, il a de l'argent pour se marier, celui-là, il est le zawaj et le nikah pour lui, il est mieux que quoi? Il est mieux que, yani ce que j'ai dit tout à l'heure, les adorations surérogatoires. Il a dit, فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ هَلْ تُفَضِّلُونَ أَنْ أَبْقَ أَتَعَبَّدَ فِي الْمَسْجِدِ بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْبِيحِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ أَنْ أَتَزَوَّجَ. Il a dit, et si quelqu'un nous dit, est-ce que vous préférez que je reste à la mosquée, dans la mosquée, en train de faire la prière, en train de dire subhanallah, subhanallah, en train de lire le Coran, ou bien je me marie? قلنا له, on lui dit, ما دمت ذا شهوة وعندك ما تقوم به بواجبات النكاح فإن الأفضل أن تتزوج. On lui dit, tant que tu es quelqu'un qui a des désirs et tu as, alhamdulillah, yani, tu remplis les conditions qui te permettent de te marier, donc pour toi, il vaut mieux te marier. Parce que le fait de se marier contient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'intérêt que les adorations surérogatoires. Ensuite, il a dit, le matin, yani al-Hajjawi, alayhi rahmatullah, a dit, وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يَخَافُ زِينًا بِتَرْكِهِ. Et le mariage est obligatoire. Tout à l'heure, on parlait du mariage qui est mustahab, c'est tout. Maintenant, on parle du mariage qui est obligatoire. Il est obligatoire pour qui? Il a dit, وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يَخَافُ زِينًا بِتَرْكِهِ. Le mariage est obligatoire pour quelqu'un qui a peur de tomber dans la zina s'il ne se marie pas. Non. Si quelqu'un a les moyens de se marier et il dit, je ne me marie pas, non. Maintenant, s'il tombe dans la zina, c'est lui donc qui a voulu cette chose. Non. Pourquoi? Parce qu'il était obligatoire pour lui de se marier. Donc quelqu'un qui a les moyens ne se marie pas et tombe dans la zina a fait deux péchés. Le fait d'avoir fait la zina, le fait de n'avoir pas fait la chose obligatoire qui est quoi? Qui est le mariage par rapport à lui. Naam. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, pourquoi c'est obligatoire pour lui de se marier? Pourquoi? Di shiddati shahwatihi, à cause de ses puissants désirs. Wa li tayassur az-zina fi baladihi. Ensuite, parce qu'il vit dans un pays où il est très facile de faire l'adultère. Il vit dans un pays où il est très facile de faire la fornication. Il a dit parce que des fois, quelqu'un, il a beaucoup de désirs, et il a peur de faire la zina, il a peur, mais ce n'est pas possible qu'il la fasse. Pourquoi? Il a dit parce qu'il vit dans un pays protégé. Ne me dites pas, par exemple, qu'il n'y a pas de différence entre Paris et la Mecque. Non, les Tekfiriens, bien sûr, ils vont dire qu'il n'y a pas de différence. Tous ils sont kuffar. Mais nous, que Allah subhanahu wa ta'ala a éclairé nos cœurs, alhamdulillah, on reconnaît que, quand même, même s'il y a la zina à la Mecque, même s'il y en a, mais ce n'est pas au même degré, par exemple, qu'à Paris, ou là qu'à Marseille, ou je ne sais pas, ou là qu'à New York. Ce n'est pas au même degré, subhanallah al-azim. Non, pourquoi? Parce que le pays, ce deuxième pays, est protégé. Tandis que dans le premier pays, Paris ou là, quand on fait cela, c'est un signe qu'on est cultivé, c'est un signe qu'on est civilisé, on est ceci, on âme. Plus on fait des choses pareilles, plus c'est un signe de la civilisation, mashallah. Et les autres, ce sont les extrémistes, les obscurantistes, les djouhal, les irhabiens, et toujours comme ça, sunnat Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à la fin du monde. Naam. Ici il dit, لَكِنَّ مُرَادَهُ إِذَا اشْتَدَّتْ شَهْوَتُهُ فِي بَلَدٍ يَتَيَسَّرْ فِي الزِّنَا. Cheikh Ibn Uthaymeen explique, il dit, ici on est en train de parler de quelqu'un qui a de puissants désirs dans un pays où c'est facile de faire la zina. Naam. Il a dit, mais s'il vit par exemple dans un pays protégé, celui-là, même s'il veut faire la zina, il ne la fait pas. Il n'y a pas où. Ou alors très très difficilement. Il a dit, لوجود أسبابه وانتفاء موانعه صار النكاح في حقه واجبا دفعا لهذه المفسدة. Il a dit, فإذا خاف الزنا, maintenant si la personne a peur de la zina, avec l'existence de ses causes, il y a beaucoup de causes, beaucoup de femmes nues, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Ensuite, وانتفاء موانعه, avec l'absence des empêchements, il n'y a rien qui t'empêche. Au contraire, tout incite, tout exhorte. Il n'y a rien qui te dit, c'est interdit. Naam, si tu vois quelqu'un en train de faire cette chose dans un jardin, si maintenant tu vas appeler la police, c'est la police qui va te mettre toi en prison. Parce que tu es contre les libertés individuelles, etc. Naam, tout est permis. Alors il a dit, si on est dans un cas pareil, il est obligé à cette personne de se marier. Si elle ne se marie pas, elle a fait un quoi ? Un péché. Pourquoi ? C'est parce que ne pas faire la zina, ne pas la faire, c'est obligatoire. Et toute chose qui est obligatoire, si cette chose qui est obligatoire ne peut se faire, elle ne peut yani, exister. Que si on fait une autre chose qui n'est pas obligatoire, mais qui, elle, va être obligatoire à cause de la première chose obligatoire, donc cette chose est obligatoire. Ça, c'est une règle que je dis comme ça, on l'a dit plusieurs fois. Vous connaissez la règle. Donc, je donne un exemple là. Par exemple, pour laver, quand je vais faire le wudu, je vais laver mon visage. Est-ce que Allah Ta'ala a dit dans le Coran que je dois laver le début de mes cheveux au-dessus du front? Il n'a pas dit, il a dit, laver vos visages. Mais, est-ce que quelqu'un peut laver son visage sans toucher un peu les cheveux qui commencent sur le front? Il ne peut pas. Donc, toucher un peu les cheveux du front est devenu obligatoire. Pourquoi? Parce que les toucher te permet de faire l'obligatoire qui est le wudu. Et puisque le toucher des cheveux du front n'est pas permis, n'est pas obligatoire, il devient obligatoire à cause du premier obligatoire. Non. Ou bien je donne un exemple plus simple. Est-ce que par exemple, s'il n'y avait pas de moyens pour aller à la Mecque au Hajj, il n'y a pas de moyens sauf l'avion. Il n'y a aucune voiture, toutes les routes sont barrées, etc. Il n'y a que l'avion. Est-ce que, en règle générale, est-ce qu'il m'est obligé de monter en avion, de prendre l'avion? Il ne m'est pas obligé. Est-ce que quelqu'un connaît un verset qui dit que quiconque qui ne monte pas l'avion devient yani, à des péchés? Ça y est, bien pas. Maintenant, j'ai de l'argent et je dois aller au Hajj. Et il n'y a de moyens que l'avion. Alors l'avion, la montée de l'avion qui était seulement permise est devenue obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est en prenant l'avion que je vais faire l'obligatoire qui est le Hajj. Et monter en avion n'est pas obligatoire, mais est devenu obligatoire à cause de, ça te permet de faire l'obligatoire. Naam. وقال بعض أهل العلم إنه واجب مطلقا. Il a dit, et certains ulama ont dit que le mariage est en général, en règle générale, il est obligatoire. Il a dit, en règle générale, il est obligatoire. Car le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. Ensemble des jeunes, quiconque a la possibilité parmi vous, la possibilité du mariage, qu'il se marie. Il a dit, et le prophète Al-Islam, quand il donne un ordre, donc ça devient quoi? Ça devient une chose obligatoire. Et il va donner un autre dalil que yani, c'est obligé de se marier pour quelqu'un qui peut, bien sûr. Il a dit le deuxième dalil, c'est quoi? C'est que celui qui ne se marie pas, quand on ne se marie pas, on se fait ressembler aux chrétiens. Qui, yani, ne se marie pas. En chrétien, il parle ici des religieux, hein, ce qu'on appelle les prêtres, etc. Naam. Qui, prétendent-ils, ne se marient pas. Moi, je dis prétendent-ils, c'est tout. Parce qu'ils font des choses entre eux, femme avec femme, homme avec homme, des choses obscènes. Et même homme avec femme. Naam. Dans leur mausolée, ou là, je ne sais pas comment ça s'appelle, dans leurs églises, etc. Ils font des choses, même avec homme et femme, ils creusent. Ils creusent sous la terre jusqu'à ce qu'ils peuvent se rencontrer, subhanallah, ils font la zina et ils tuent les bébés et ils les mettent comme ça dans le mur. Ils font des trous dans les murs et ils les cachent ensuite avec du ciment, etc. Et ils ont fait cela des milliers de fois, yani, dans des églises, dans des... Pourquoi? Parce qu'ils veulent contrer une sunna de Allah subhanahu wa ta'ala, le mariage. Ils prétendent que je n'ai pas besoin de mariage. Naam, ma fille a 15-16 ans, elle rentre, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec l'église ou là, et elle est là-bas, elle dit, je vais me marier avec Jésus. Je vais me marier avec Jésus. La hawla wa la quwwata. Tu te marieras avec Jésus. Naam. Tu te marieras avec Jésus. Tayyib. Il a dit ici, وَتَشَبُّهُ بِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ مُحَرَّمَ. Et c'est interdit de se faire ressembler à qui? Au kuffar. C'est interdit de se faire ressembler au kuffar. Quelqu'un qui peut se marier et il ne veut pas se marier et il ne veut pas, hein, il s'est fait ressembler au kuffar, sauf s'il a une excuse valable, vraiment valable, comme qui par exemple? Comme Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, qui ne s'est jamais marié. Et l'imam al-Nawawi, rahmatullah alayh, qui ne s'est jamais marié. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, est-ce qu'il avait eu le temps de se marier? Il a dit, je sais que je n'ai pas le temps de donner les devoirs à ma femme. Je ne serai jamais avec elle. Je ne mens pas. Je ne peux pas me marier. Des fois, quand il arrivait à la ville où était sa mère, subhanallah, sa mère, des fois il est en Irak, il est en Égypte, des fois il arrive à la ville où il y a sa mère, il ne peut pas la contacter seulement par lettre. Il écrit quelque chose, il la donne à quelqu'un, il lui dit, tu la donnes à ma mère. C'est écrit, vous trouvez ça dans le fatwa, je vois le fatwa. Oh, chère mère, je suis arrivé jusqu'ici là, mais je n'ai pas pu te rencontrer, vu les gens qui m'attendent partout, je dois répondre à telle chose et telle chose, je dois écrire tel livre. Donc, quand quelqu'un ne se marie pas, mais vraiment, c'est à cause de l'islam, etc., il est excusé. Il aura même des ajr. Yani, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, yada'u ta'amahu wa shahwatahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Hadith dans le Bukhari. Il laisse sa tentation à cause de moi. Et c'est Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé sa tentation. Naam, subhanallah al-Azim, il ne s'est jamais marié. Il mourra plus de 60 ans ou 70 ans. À cause de quoi? À cause de l'islam. Et regardez les enfants qu'il a laissés. Masha'Allah, regardez les enfants. Combien qu'il a laissé de livres? Combien qu'il a laissé de livres? Naam. Comme a dit Allah Ta'ala, wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Quiconque est dans le vrai chemin et suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala, il fait monter de son grade. Regardez, Cheikh al-Islam, ses enfants sont partout, ses livres, partout. Naam, personne ne peut l'oublier. Subhanallah al-Azim. Naam. Il a dit donc, pourquoi c'est obligé de se marier pour ne pas se faire ressembler aux kuffar, surtout les chrétiens, les prêtres, etc. Et il a dit, ensuite, فَإِنَّهُ أَرَدْلِ الْبَصَرِ. Ensuite, le fait de marier permet de rabaisser quoi? Permet de rabaisser le regard. Naam. Quand quelqu'un fait le rapport avec sa femme, ensuite, même quand il sort dans la rue là, il n'est pas intéressé. Même si c'est la plus belle femme qui passe devant lui, il n'est pas intéressé. Pourquoi? Car tout ce qu'elle a, sa femme aussi l'a. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit quand quelqu'un dans la rue, par exemple, un homme voit une femme qu'elle lui plaît, qu'il revienne vers sa femme. Elle a ce que l'autre a. C'est-à-dire qu'il revienne vers sa femme pour faire avec elle le rapport conjugal. Ça va, yani, attiser la chaleur qu'il a dans le cœur. Et elle a ce que l'autre a. Yani, elles ont la même chose. Il a dit, فَهُوَ أَغَدْلِ الْبَصَرْ وَأَحْسَنِ الْفَرْجِ. Le mariage permet de préserver la chasteté, comme je viens de le dire maintenant. Avec, quand quelqu'un est marié, il est, alhamdoulilah, chaste. Hein? À chaque fois qu'il est tenté, le shaitan veut le tenter, il revient vers sa femme. À chaque fois qu'il est tenté, il revient vers sa femme, et sa femme, en lui donnant ces choses-là, elle a beaucoup de ajr. Elle a beaucoup de ajr parce que, subhanallah al-azim, elle devient muhsina. Elle devient muhsina, c'est pas muhsana. Muhsina, c'est-à-dire, elle l'aide à ce qu'il préserve sa chasteté. Allahu Akbar. Elle a beaucoup de ajr en faisant cela avec l'intention de, yani, de la chasteté. Elle fait dans son intention qu'elle fait cette chose avec son mari pour que son mari soit préservé. Naam. Donc, Cheikh ici dit, le mariage est obligatoire, mais à condition, il a dit, mais à condition qu'il y ait la possibilité. Il a dit, à condition qu'il y ait la possibilité. Naam. Si quelqu'un maintenant n'a pas la possibilité, ce n'est pas obligé pour lui pour qu'il se marie. Ce n'est pas obligé pour lui pour qu'il se marie, mais c'est plutôt même interdit. On va voir tout à l'heure que c'est même interdit pour quelqu'un qui est, par exemple, malade, qui ne peut pas faire des rapports, ça, qui va se marier. Naam. Il a dit, « وَالْقَوْلُ بِالْوُجُوبِ عِنْدِ أَقْرَبِ » Il a dit, le fait de dire que le mariage est obligé, c'est quelque chose d'obligatoire, il a dit, c'est la vie, c'est mon choix. Il a dit, cet avis, je le préfère au premier avis. Le premier avis qui dit, c'est seulement sunnah, ou c'est seulement yani conseiller. Il a dit non. Yani pour moi, je préfère de dire que le mariage, en général, pour quelqu'un qui remplit les conditions, c'est quelque chose d'obligé pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose d'obligé? Ça veut dire celui qui ne se marie pas, en remplissant les conditions, il a des péchés. Il a des péchés pour ne pas s'être marié. Naam. Il a dit, et quand est-ce que le mariage devient seulement permis? Yani, ce n'est pas obligé. Quand est-ce qu'il devient permis? Il a dit, yubah liman la shahwata lahu idha kana ghaniyan. Il a dit, s'il y a quelqu'un, yani, qui n'a pas de tentation, n'a pas de shahwa. Naam. Celui-là, il est seulement permis pour lui. Naam. Il n'est pas obligé pour qu'il se marie. Naam. Walakin min ajli masalih az-zawja bil infaq 'alayha wa ghayrih. Mais c'est bien. Quand je dis n'a pas de shahwa, il n'a pas de tentation, il y a des tentations faibles. C'est pas qu'il n'en a pas du tout, il est malade. Celui-là est malade, il ne se marie pas. On parle de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de désir. Celui-là, s'il veut se marier à cause de, yani pour dépenser pour la femme, etc., celui-là, il aura des récompenses à cause de la niya hadi. Naam. Il a dit, فَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ إِعْفَافِ الزَّوْجَةِ وَتَحْصِينَ الْفَرْجِ كَانَ مَسْنُونًا لِمَصْلَحَةِ الْآخَرِينَ وَأَكْدَ الْمُبَاحَةِ إِذَا كَتْ وَسِيلَ الْمَحْبُوبَةِ صَرْتُ مَحْبُوبًا مَطْلُوبًا. Il a dit maintenant, s'il se marie avec dans l'intention de préserver la chasteté de son épouse, naam, il a dit, donc il a fait cette chose, c'est-à-dire le mariage, il l'a fait pour l'intérêt des autres. Il l'a fait pour l'intérêt de l'épouse. Donc dans ce cas, il aura des ajr. Naam, il aura des ajr. Parce que, Allah l'a dit, il a fait une chose à cause d'une autre personne. Il a fait une chose à cause d'une autre personne. Naam. Wa mata yukrah. Quand est-ce que c'est makruh, il se marie? C'est déconseillé le mariage. Quand est-ce qu'il est déconseillé? Yukrahu li faqirin la shahwata lahu. Naam. Quelqu'un qui est faqir, qui est pauvre, naam, et qui n'a pas de désir. N'a pas de désir. Parce que le premier hada, quand j'ai parlé, détestable. Naam. Quand je viens de dire que mata yubah, avant cela j'ai dit quand est-ce qu'il était permis. J'ai dit il était permis à quelqu'un qui n'a pas de désir, à des faibles désirs. Et j'ai oublié de dire, et qui est riche. Naam. Il est riche et il n'a pas de désir. Maintenant, quand est-ce que c'est détestable? C'est détestable quand quelqu'un est pauvre, la shahwa, il n'a pas de désir. Car là, yani, laysa lahu haja. Il n'a pas de désir. Il a dit. Donc pourquoi va-t-il se marier? Yuhammilu nafsahu mata'ib kathira. Il va rentrer, yani, dans une chose dans laquelle il ne peut pas sortir. Il va se faire des problèmes à lui-même. Il va se faire des problèmes à lui-même. فإن كانت المرأة غنية لهم أن ينفق أو لا ينفق فالنكاح في حقه سنة. نعم. فإن كانت المرأة غنية لا يهمها أن ينفق أو لا ينفق فالنكاح في حقه سنة. Maintenant, si l'épouse avec laquelle elle va se marier, elle est riche et yani, elle n'est pas très intéressée par le fait qu'il dépense ou elle ne dépense pas, donc dans ce cas, le mariage pour lui, c'est seulement sunna. Et quand c'est haram de se marier, Yahromo bidari harb. Quand par exemple il y a la guerre entre les musulmans et les koufars, hein, dans le pays où il y a la guerre, il est interdit, c'est haram aux musulmans de se marier. Vous savez pourquoi? Parce que il a peur s'il se marie là-bas, à cause qu'est-ce qui va arriver à sa femme et qu'est-ce qui va arriver à qui? À ses enfants et à sa famille, dans un pays où on est en train, on s'entretue. On s'entretue. Naam. Les koufars essaient de me tuer, moi j'essaie de les tuer. Maintenant je vais me marier dans leur pays et qu'est-ce qui va se passer quand je vais avoir des enfants et ma femme sera, qui va les protéger? Naam. Naam. Et aussi, c'est interdit, c'est haram. إذا كان الإنسان معه زوجة وخفى إن تزوج ثانية لعدل. Si un homme a déjà une épouse et il veut épouser une autre, et yakhaf, et il a peur que s'il va épouser la deuxième, il va être injuste. Il va être injuste. Alors que Allah Ta'ala a dit, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَحِدَا. Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit, يعني, إِنْ خِفْتُمْ, si vous avez peur d'être injuste, alors une seule. Naam, alors une seule, pardon. Regardez l'ayah. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَحِدَا. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule. Maintenant, si quelqu'un a peur d'être injuste, et il dit, ça ne fait rien, je me marie. Celui-là, c'est haram pour lui. Naam, il a des péchés en se mariant. Pourquoi? Parce que il a peur. Il faut que lorsqu'il se marie, il soit du genre, yani, qu'il soit sûr qu'il va être juste. Et faire tous les efforts, faire le maximum pour qu'il soit juste. Et celui-là, d'emblée déjà, il a peur. Il a dit, moi, peut-être que je ne vais pas être juste, etc. Mais il a dit, khali, je tente ma chance. Et je me marie. Celui-là, il ne peut pas se marier. Naam. طيب. وينبغي لمن تزوج أن لا يقصد قضاء الشهوة فقط. Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamou, dit, et quiconque veut se marier, il ne faut pas que ça soit, yani son premier but, il ne faut pas que son premier but soit assouvir ses désirs, assouvir les désirs sexuels. Il ne faut pas que ça soit ça, le premier but du mariage. Ça, c'est l'un des buts. Mais ce n'est pas le premier but. Il a dit, كَمَا هُوَ مُرَادُ أَكْثَرُ النَّاسِ الْيَوْمِ. Comme c'est le but de beaucoup de gens, ou de la plupart des gens aujourd'hui. Ça, c'est Cheikh Ibn Uthaymeen qui dit ça. Il dit, il ne faut pas que les désirs sexuels soient son premier but, comme c'est le cas de la plupart des gens aujourd'hui. إِنَّمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْصِدْ بِهَذَا التَّالِي. Mais il faut que ses buts soient ceux qui suivent. Ses buts soient ceux qui suivent. Premièrement, امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. Premièrement, il faut qu'il fasse de son mariage, il faut qu'il atteigne les buts suivants. Le premier but, l'obéissance au prophète صلى الله عليه وسلم, qui a dit, ô vous les jeunes, quiconque de vous peut se marier, qu'il se marie. Donc moi, premièrement, j'obéis au prophète صلى الله عليه وسلم qui m'a ordonné de me marier. Ça, c'est le premier but. Naam. Saniyan. Deuxième but. Takthiru nasli l'umma. Takthiru nasli l'umma. Disons, la multiplication et l'accroissement de la progéniture. Naam. Et disons, l'engendrement des enfants. C'est ça mon deuxième but. Pour qu'il y ait beaucoup d'enfants, pour que la nation musulmane grandisse. Yani, le nombre soit beaucoup. لأن تكثير نسل الأمة من أمور المحبوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Il a dit, parce que le fait que la nation du prophète صلى الله عليه وسلم soit nombreuse, c'est une des choses aimées par le prophète عليه الصلاة والسلام. Le prophète عليه الصلاة والسلام aime que sa nation soit une nation nombreuse. نعم. ولأن تكثير نسل الأمة سبب لقوتها وعزتها. Et parce que le fait, yani, de multiplier, naam, l'accroissement des enfants, yani, multiplier le nombre dans la nation, il a dit, c'est une cause pourquoi? Pour sa puissance. C'est une cause de la puissance de la nation et de la gloire. Naam, plus une nation est nombreuse, plus c'est un délit de sa force. Naam, plus il y a beaucoup de gens dans cette nation, plus il y a beaucoup, plus c'est quoi? Plus elle est puissante et elle est glorieuse. Elle a de la gloire, de la gloire. وَلِهَذَا قَالَ شُعَيْبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ. Et c'est pour ça que le prophète Shu'aib, que la paix soit sur lui et sur notre prophète, qu'est-ce qu'il a dit à sa nation? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit وَذْكُرُوا, et rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux et que Allah Ta'ala vous a multiplié en grand nombre. Naam. Rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux. Barakallahu fik. Rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux et que Allah Ta'ala vous a multiplié en grand nombre. Donc le fait que Allah Subhanahu wa Ta'ala multiplie en grand nombre, hein, c'est quelque chose yani, que Allah Subhanahu wa Ta'ala aime. Naam. C'est un dalil que c'est bien de, d'avoir beaucoup d'enfants et de faire de la nation beaucoup de nombre. Naam. Et c'est pour ça aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de Banu Israël, qu'est-ce qu'il leur a dit? Et nous vous fîmes un peuple plus nombreux. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Banu Israël, et nous vous fîmes, yani nous fîmes de vous un peuple plus nombreux. وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا أَكْثَرَ نَفِيرًا. Donc, le fait qu'on soit nombreux, c'est quelque chose que Allah ta'ala aime. D'ailleurs, ici, il leur a donné ça comme, comme disons, gratification. Même comme cadeau, comme gratification, il a fait de ce peuple de Bani Israël, il les a rendus nombreux. Donc, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Naam. Donc, premièrement, je répète les trois buts. Premièrement, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui obéir. Deuxième but, l'accroissement de la progéniture. L'accroissement. Naam. Troisième but, tahsinu farjihi, tahsinu farjihi wa farju zawjatihi. Naam. Préserver sa chasteté et la chasteté de sa femme. Ça, c'est le troisième but. Ce n'est pas le premier. Préserver sa chasteté pour ne pas faire la zina. Naam. Et pour que ma femme ne fasse pas la zina. Naam. C'est pour ça que les hommes qui, lorsqu'ils font le rapport avec leurs épouses, pour se préserver, pour rester chaste, mais qui en revanche, yani, ne donne pas beaucoup d'importance à la chasteté de leur femme. L'essentiel, c'est quoi? Pour eux, l'essentiel, ils ont atteint ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient. C'est pour ça que beaucoup d'hommes, dès qu'ils atteignent ce qu'ils voulaient, ou ce qu'ils veulent, place, il n'a plus besoin, et il se lève. Et il oublie qu'il doit aussi être une cause pour yani, la chasteté de sa femme. Comme toi, tu voudrais arriver à ta fin pour être chaste, tu dois aussi patienter avec ta femme pour qu'elle soit chaste et pour qu'elle yani, atteigne le but. Naam. Tayyib, il a dit, et ça, le but aussi, c'est de descendre, de rabaisser le regard et de faire rabaisser le regard de ma femme aussi. Naam. Il a dit. Ensuite, Cheikh a dit, quand je dis Cheikh ici, ce n'est pas Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Al-Hajjawi a dit, وَيَسُنُّ نِكَاحُ وَاحِدًا وَيَسُنُّ نِكَاحِ وَاحِدًا يَعْنِي لَا أَكْتَر. Il a dit, et c'est de la sunna, et c'est bien, c'est mustahab, disons, de se marier avec une seule, de se marier avec une seule. Naam. Maintenant, Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmou dit, وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. Il a dit, et cette question, disons, est-ce qu'il se marie, c'est bien de se marier avec une ou avec plusieurs? Quel est le conseiller? Il a dit, les ulama ont divergé sur ce cas, sur cet avis. Non. فمن العلماء من قال, certains des ulama ont dit, إنه ينبغي يتزوج أكثر من واحدة. Il est conseillé qu'il se marie plus d'une, madame indahu qudratun maliya wa taqa badaniya, tant que il a de l'argent, mashallah, et il a la puissance physique. Donc certains ulama ont dit qu'il est conseillé qu'il se marie plus d'une. Bihaythu yaqum biwajibihinna fa inal afdal an yatazawwaja akthar tahsinan li masalih an-nikah wal mafasid allati tatawaqqa' tanghamir fi janib masalih. Il a dit parce que quand il va se marier avec deux ou trois, il va y avoir beaucoup d'intérêts et d'avantages qui vont être exaucés. Il va y avoir beaucoup d'intérêts et d'avantages. Il a dit, bien sûr, certains vont dire que si se marie avec deux ou trois, il va y avoir aussi des mafassis, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas bien, etc. Mais Cheikh a dit, mais ces choses qui ne sont pas bien, etc., elles vont fondre. Elles vont fondre dans la mer. Dans la mer de quoi? La mer des intérêts du mariage. Naam. Yani, quand on se marie davantage, que les désavantages vont fondre. Naam. Mais ici, il dit, il dit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait eu beaucoup de femmes. Naam. Voilà le dalil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu beaucoup de femmes, pas seulement une. Il a dit, lakin min al-ma'loum anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lam yu'addid az-zawjat min ajli qada' al-watar. Il a dit, mais, attention, ici il y a le mais il est su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait la polygamie à cause de l'assouvissement du désir sexuel. Naam. Il est su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait la polygamie, ne s'est pas marié 2, 3, 4, 5, 6 à cause du désir. À cause du désir. وَإِنَّمَا مِنْ أَجْلِ الْمَصْلَحَ الْعَمَّةِ. Mais par contre, il s'est marié avec plusieurs femmes à cause de l'intérêt général. L'intérêt général, حَتَّى يَكُونَ لَهُ فِي كُلِّ قَبِيلَ سَلَا. Jusqu'à, pourquoi il s'est marié beaucoup? Afin qu'il ait, dans chaque tribu, il a quoi? Il a une relation. Naam. La tribu A, yani, ce sont ses gendres. La tribu B, ce sont ses gendres. La tribu C, ce sont des gendres. Mashallah. Dans chaque tribu, il se marie avec une femme. Comme ça, les tribus en elles-mêmes vont devenir de la famille. Elles qui étaient de grands ennemis. Elles qui étaient de grands ennemis. Naam. Ensuite, il a ajouté quelque chose, il a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Pourquoi yani, aussi il s'est marié avec beaucoup de femmes? Il a dit, arada, le prophète alayhi wa sallam a voulu an yakthura al-akhd anhu fil a'mal al-khafiyyah allati la takun illa fil buyut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en se mariant avec beaucoup de femmes, a eu l'intention. Quelle intention a-t-il eu? L'intention qu'il a dit que quand je me marie avec plusieurs femmes, comme ça, les choses que je fais à la maison, les choses qui sont yani khafiya, qui ne sont pas visibles, hein, quand il est aux toilettes ou là, qu'est-ce qu'il sait? Seulement ces femmes peuvent savoir comment qu'il s'habille, comment qu'il dort. Ces choses-là, seules son épouse et ses épouses peuvent le savoir. Donc il a voulu que ces choses-là, ces sunnah bien sûr, pour qu'elles soient propagées aux gens, hein, les choses invisibles, que les gens ne voient pas, qui se passent à l'intérieur de la maison. Donc il a dit, j'aimerais avoir beaucoup de femmes pour que ces femmes-là, yani, propagent mes sunnah que je fais à l'intérieur de la maison. C'est pour ça qu'il a dit, beaucoup de sunnah ont été prises des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de sunnans ont été prises des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je donne ici un exemple qui m'est venu maintenant. En vous parlant, il m'est venu un exemple. Regardez. Urwa, c'est le neveu de Aïcha radiallahu ta'ala anha. C'est-à-dire, c'est le fils de sa sœur Asma. Il est venu, il a demandé à Aïcha radiallahu ta'ala anha. Est-ce que le prophète, ils ont parlé de, est-ce qu'il est possible que quelqu'un, par exemple, fasse le wudu, ensuite embrasse sa femme? Est-ce que le wudu reste ou la s'annule? Alors, Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui est sa tante, lui a répondu, elle lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a embrassé une de ses femmes et il est parti faire la salat. Alors lui, son neveu, qu'est-ce qu'il lui a dit à sa tante? Il lui a dit, je ne crois pas que ça soit une autre femme que toi. La femme qu'il a embrassée, je ne crois pas que ça soit une autre femme que toi. Et elle a souri, elle n'a pas dit ni oui ni non. Elle s'est tuée à la souris. Donc, comment pouvons, on aurait pu savoir que cette chose se faisait s'il n'avait pas de femme. C'est Aïcha qui a montré que un homme pouvait, après avoir fait des ablutions, embrasser sa femme et aller faire la prière. C'est-à-dire que ça n'annule pas les ablutions. Tant que, bien sûr, tant que rien n'est sorti de son membre. C'est-à-dire aucun liquide n'est sorti de son membre. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi se marier avec certaines femmes pour, par exemple, les soutenir. Non. Ou les consoler. Ou les conforter. Regardez, lorsqu'il s'est marié, par exemple, avec Safiya bint Huyay, radiallahu ta'ala anha, qui était une juive, son père juif, toute sa famille juive. Il s'est marié avec elle, car, après, dans Ghazwat Khaybar, regardez, le père de Safiya, radiallahu ta'ala anha, qui était juif, est mort tué. Son frère mort tué, ses oncles mort tués, son mari à elle, mort, tué, et elle est tombée prisonnière chez les musulmans. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est marié avec elle. Pourquoi il s'est marié avec elle? Justement pour la réconforter, pour raffermir son cœur, pour la seconder, naam, pour la soutenir, pour la consoler. Elle dit, subhanallah al-azim, imaginez, il faut imaginer une femme qui perd son père, ses frères, ses oncles, son mari tué, et en plus de cela, elle se trouve prisonnière chez les musulmans. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Ensuite vient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il l'épouse, masha'Allah, masha'Allah. Et il fait sa dot, c'est quoi? Il l'a franchi, il lui dit, cela à partir d'aujourd'hui, il est libre, car elle était prisonnière. Il l'a franchi, et il se marie avec elle. Et bien sûr, il a fait la fête du mariage, il l'a fait le lendemain. Car plusieurs fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mariait et faisait la fête après. Nous, chez nous, par exemple, si on fait cette chose, les gens vont s'étonner. Subhanallah, comment là? On commence par la fête, ensuite on consomme le mariage. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mariait et ensuite, le lendemain, faisait quoi? Ou bien deux jours après ou là, faisait la fête et invitait les gens. Naam. Ensuite, naam. Et ici, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahou il dit, et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait vraiment les désirs, s'il avait vraiment voulu les désirs sexuels, alors pourquoi toutes ces femmes n'étaient pas vierges sauf une? Naam. Pourquoi toutes les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas vierges sauf Aïcha radiallahu ta'ala? Alors que lui, il a conseillé aux compagnons de se marier avec les vierges. Il a dit à Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu, quand il l'a rencontré une fois dans le voyage, il l'a dit, Jabir lui a dit, tazawwajtu, yani je me suis marié. Le prophète Aïssam, la première question lui a dit, abikran am thayyiban, tu t'es marié avec une vierge ou bien une femme déjà mariée? Il a dit, une femme déjà mariée. Et le prophète Aïssam ne s'est pas tué. Il lui a dit, halla bikran, tula'ibuka ou tula'ibwa, pourquoi tu ne t'es pas marié avec une vierge? Tu joues avec elle et elle joue avec toi. Pourquoi, yani, tu ne t'es pas marié avec une vierge? Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, conseille aux compagnons de se marier avec des vierges. Et lui, sallallahu alayhi wa sallam, il ne se marie pas avec les vierges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se marie pas pour des désirs. Non, il se marie pour d'autres buts nobles. Non, pas seulement pour le désir. Non. Certains oulamas, il a dit ici, et certains oulamas sont de l'avis que il est préférable qu'ils se marient avec une seule. On a vu ceux qui disent qu'il est préférable de se marier avec deux, trois, quatre. On a dit que, mais pas avec le but du désir. Non. Maintenant, il a dit, d'autres oulamas ont dit, il est préférable, par contre, de ne se marier qu'avec une seule. Marié avec une seule. وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ أَسْلَمْ لِلْذِمَّةِ مِنَ الْجَوْرِ. Ils ont dit, parce que se marier avec une seule, c'est vraiment être sûr qu'on est loin de l'injustice. Car Allah Ta'ala a dit attention, si vous mariez, il faut que vous soyez juste. Si vous voulez la deuxième, la troisième, il faut que vous soyez juste avec toutes les femmes que vous avez. Non, c'est pas tu préfères une à l'autre. Attention, celle-là tu lui achètes une chose, l'autre tu lui achètes pas. Il a dit, donc, quand on se marie avec une, au moins on est sûr que quoi? On est sûr qu'on est loin de l'injustice et l'iniquité. Alhamdoulilah. On est sûr de cela. Car s'il se marie avec deux ou trois, il se peut qu'il ne peut pas être juste. Il se peut, non, c'est possible qu'il ne puisse pas être juste. Il a dit le dalil aussi. Pourquoi il est bien de se marier avec une seule? Il a dit parce que quand on se marie avec une seule, on est plus sûr d'empêcher le dispersement de la famille. Non, on a une seule famille, mashallah, une seule femme, on est tous les soirs avec elle, nos enfants avec nous, c'est plus sûr que yani, nos enfants ne vont pas être dispersés, etc. Car s'il a plus d'une femme, sa femme il va se disperser. Il va avoir des enfants de la première femme, des enfants de la deuxième femme, même des enfants de la troisième femme. Et il est possible que entre les enfants de la première femme et les enfants de la deuxième, qu'il y ait par exemple de la mésentente et de l'aversion, même de l'aversion. Pourquoi? Parce que si les épouses déjà ne s'entendent pas, si elles sont jalouses entre elles-mêmes, leurs enfants, bien sûr, ne vont pas s'entendre. Les enfants de la première femme vont se mettre du côté de leur mère. Et les enfants de la deuxième femme vont être du côté de leur mère. Alors, les enfants, il va y avoir une grande mésentente entre les enfants à cause de la mésentente des mères. Et tout cela à cause de quoi? À cause de la polygamie, à cause de s'être marié avec la deuxième, la troisième, etc. Il a dit, comme, yani, subhanallah al-adim, cela est vu et vécu, naam. Il a dit aussi, pourquoi c'est bien de se marier seulement à une seule, ça te permet aussi facilement de faire l'obligation qui est quoi? De dépenser. Quand on a une seule femme, on ne dépense qu'à elle et ses enfants. Si on a la deuxième, la troisième, on peut oublier. J'achète à celle-là, j'oublie d'acheter à l'autre. J'achète à la deuxième, j'oublie la troisième. Et comme ça. Et je peux tomber dans les péchés. Je peux tomber dans les péchés si je le fais exprès, bien sûr. Et quand on a une seule, on est, inshallah ta'ala, on a empêché, on a éloigné de nous, quoi, le fait d'être, comme je dis, injuste. فَإِنْ قَالَ قَائِلْ Il a dit, si quelqu'un nous dit, Allah Ta'ala a dit, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ نِسَاءٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ لَتَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ Regardez le verset, ce que dit ce verset, et beaucoup de gens, bien sûr, qui aiment la polygamie, se basent sur ce verset. Regardez ce que dit le verset, regardez. Je vais le coller une seconde, inshallah ta'ala, regardez ce que dit le verset. Il est permis d'épouser, c'est-à-dire épouser. Ici, il est permis d'épouser, c'est-à-dire épouser. En arabe, ça donne épouser. Fankiru. Épouser deux, trois ou quatre parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule. Non. Donc, ceux qui sont pour la polygamie vont se baser sur ce verset. Et dire, comment qu'ils vont dire? Ils vont dire, regardez, Allah Ta'ala a dit, épousez deux, trois ou quatre parmi les femmes qui vous plaisent. Mais seulement si vous craignez de n'être pas juste, alors restez avec une seule. Mais c'est-à-dire que la base, c'est qu'il faut faire la polygamie, la base. Il faut épouser deux, trois, quatre. Mais seulement quand tu as peur, reste avec une seule. Ça veut dire, si tu n'as pas peur, donc la base, si tu n'as pas peur, épouse 2, 3, 4. C'est comme ça qu'ils disent. Cheikh dit, Allah yarhamo, lakin inda ta'amuli, la najidu fiha dilala ala hada. Il a dit, mais si on médite bien, on médite bien le verset, on ne trouve pas cela. On ne trouve pas qu'il y a exhortation à la polygamie. Il a dit, on ne trouve pas cela. Pourquoi? Car Allah Ta'ala, regardez ce qu'il a dit. Regardez ce qu'il a dit. On va revenir juste un peu avant. Il a dit, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَ فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ نِسَاءٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Regardez, quand quelqu'un enlève le début du verset, ça fait tout changer. Regardez le verset comment il commence. Il commence, et si vous craignez de n'être pas juste avec les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3, 4 parmi les femmes. Ça veut dire, autrefois, l'homme avait une orpheline chez lui. Par exemple, elle meurt, on la laisse chez lui, l'orpheline. Maintenant, chaque fois que quelqu'un veut la demander en mariage, il ne la donne pas. Il ne la donne pas, il la garde pour lui. Allah Ta'ala a dit, il vous est permis. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se marier. Il ne peut pas se marier avec 2, 3, 4, c'est interdit. Allah Ta'ala a dit, c'est permis. Épouser 2, 3, 4, c'est permis. Mais soyez juste envers les orphelins. Laissez-les se marier. Pour vous, c'est permis. Prenez 2, 3, 4. Naam, c'est permis parmi les femmes qui vous plaisent. Mais il a dit, in khiftum an la tuqsitu fil yatama, fankihuma. Ça veut dire, si vous avez peur de ne pas être juste envers les orphelins, alors épousez 2, 3, 4. Ça veut dire, sinon, ce n'est pas la peine d'épouser 2, 3, 4. C'est comme ça que dit Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamo. Car le verset n'est pas venu pour exhorter au mariage, mais il est venu pour dire que c'est permis, c'est tout. C'est permis pour celui qui a peur de ne pas être juste avec l'orpheline qu'il a chez lui. Il lui est permis de se marier avec la deuxième, troisième, quatrième. Naam. Maintenant, pour se marier avec une femme, celui qui a écrit le livre Al-Hajjawi, Al-Ahmatullah, a donné la femme qu'il faut épouser, qu'il est conseillé d'épouser, doit remplir, six choses. La première des choses, il a dit, de préférence, que ça soit une. On vient de voir cela. Deuxièmement, Deyina, qu'elle soit religieuse, Deyina, Naam, et Sahibatu Din, Naam, Deyina, Sahibatu Din, c'est pas Deyn, Sahibatu Din, ça veut dire elle a des dettes, Naam, Deyina, ça veut dire elle a le Din, elle a la religion. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Tunkahu al-mar'a li arba. Il a dit, la femme, quand on se marie avec elle, pour l'une des quatre choses. L'imaliha, pour son argent. Wahasabiha, pour, elle est la fille de X et Y, telle famille, grande famille. Wajamaliha, ou bien pour sa beauté. Wadiniha, ou bien pour son argent, pardon, ou bien pour sa religion. Naam. Il y a seulement quatre choses. On se marie avec une femme pour une de ces quatre choses, ou bien les deux choses à la fois, ou les trois choses. Non. C'est quoi? Pour son argent, pour sa famille, elle est la femme, la fille de X, la famille X, la grande famille, ou bien pour sa beauté, ou bien pour sa religion. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais choisis la religieuse. Choisis la religieuse. Regardez, il ne nous a pas laissé comme ça. Il ne nous a pas dit tu te maries avec la femme à cause de l'argent, la famille, la beauté et la religion. Et ensuite, il dit fais ce que tu veux. Non, il a dit, mais épouse celle qui a le din. Épouse celle qui a le din. Naam, teribet yedek, tu seras pauvre. Naam, on va voir après qu'est-ce que ça veut dire. Tu seras pauvre ou tu deviendras pauvre. Ce doit. Naam, fait deyina, il a dit. Celle qui est religieuse, tu'inu ala ta'atillah. Quand on se marie avec une sœur, disons une femme, qui est religieuse, on gagne quoi? Premièrement, elle nous aide à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine comme dans le hadith sahih. Il dit, le prophète islam dit, par exemple, quelqu'un se lève la nuit, il fait réveiller sa femme, par exemple, pour faire la salat. si elle ne veut pas, il lui jette un peu d'eau sur le visage pour la réveiller. Et elle aussi. Elle le réveille, s'il ne veut pas, elle lui jette un peu d'eau sur le visage. Regardez, yani, quand on se marie avec une femme, une sœur, mashallah, religieuse, qui vient la nuit, yani, pour te réveiller, pour faire salat, subh, pour faire salat, riyam lil, mashallah, la quwwata illa billah. Il est très dommage que je connaisse quelqu'un, il est très dommage hein, que je connaisse quelqu'un. J'ai été, inshallah ta'ala, j'ai été la cause de l'avoir marié. Je l'ai marié, lui qui n'avait aucun niveau, il n'est même pas arrivé au lycée. Je l'ai marié, mashallah, avec une sœur, cela fait à peu près 30 ans de cela, qui avait à l'époque, qui avait une licence en sciences islamiques. À l'époque, ça fait 30 ans là, et mashallah, parce que j'ai vu qu'il voulait le dîn, il voulait ceci. Je lui ai dit, il n'y a pas mieux, je vais te marier avec une sœur, mashallah, et en même temps, licencié, mashallah, en sciences islamiques, sharia, et en même temps, belle. Et ça a été fait ainsi, alhamdoulilah, il s'est marié, et il est resté toujours faible, ma'al-asaf, et au point où, quand elle le réveillait pour faire la prière, il s'énervait, il disait, moi je suis Pharaon, laisse-moi dormir, j'aime pas la salade, j'aime pas ceci. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Naam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que prends celle qui est religieuse. Pourquoi? Ici, Cheikh Ibn Uthaymeen dit, premièrement, elle va t'aider dans ta religion. Surtout, quelqu'un qui est par exemple talibul ilm, qui se marie avec une fille, une sœur qui est talibatul ilm, combien qu'elle peut l'aider dans les recherches, chercher dans les livres, yani pour comparer, pour vérifier un hadith, pour yani, mashallah, mashallah, naam. Il a dit, wa tuslihu man yatarabba ala yadiha min awladi. Ensuite, quel est l'avantage de se marier avec une religieuse? L'avantage, c'est que, mashallah, tes enfants, tu n'as pas peur. Même si tu es absent, ou là tu es au travail, ou là tu es très occupé, elle est là. قال الله قال الرسول الله تعالى أدي النبي صلى الله عليه وسلم أدي الله تعالى أدي النبي صلى الله عليه وسلم أدي regarde ce que tu as gagné. Et beaucoup de sœurs m'écrivent en me disant yani qui doit éduquer les enfants, car elles me disent que certains frères disent que c'est seulement la femme qui éduque, moi je suis au travail, j'apporte l'argent, c'est tout, et toi c'est toi qui leur apprends la salat, etc les hadiths et tout. Et tout cela n'est pas vrai, bien sûr. Naam. Tout cela n'est pas vrai. Naam. La femme, ça, elle aide, elle fait le maximum de ce qu'elle peut, mais le père a une grande responsabilité. Innama abawah yuhawidani ou yunasirani ou yumjisani. Le hadith a dit, abawah, les deux pères ici, ça veut dire le père et la mère. Ce sont eux qui vont le faire de lui un juif ou un chrétien ou un mazdéen. Le hadith n'a pas dit c'est la mère, ce sont les deux. Ça veut dire s'il devient juif, il devient négaré, ou il devient tekféré, ou là, ça veut dire c'est la faute aux deux. Naam, surtout si le père a du ilm, etc., et il ne leur a rien appris, il a passé son temps à amasser de l'argent du matin au soir et à courir derrière les plus belles voitures et les choses de la vie qui ne nous font avancer en rien. Naam. Mais bien au contraire, on revient marche arrière. Naam. Maintenant, il a dit, Cheikh Lahmou a dit, فَإِذَا اجْتَمَعَ مَعَ الدِّينِ جَمَالٌ وَمَالٌ وَحَسَبْ فَذَلِكَ النُّورْ عَلَى النُّورْ. Maintenant, moi, le prophète islam m'a dit de me marier avec une religieuse. Et maintenant, si avec la religieuse, elle est en même temps riche, et elle est en même temps belle, et elle est en même temps la fille de X et Y. C'est mashallah. C'est Allah Ta'ala qui m'a donné toute cette faveur. Nour ala nour, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit. Lumière sur lumière. Moi, je veux la religion. Mais si en même temps religion et elle a de l'argent, mashallah. Quand une femme a de l'argent, c'est pas comme celle qui n'en a pas, subhanallah al-azim. Ni'ma al-malu salih li rajuli salih. Salih, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Bukhari. Non? Quand quelqu'un a de l'argent. Et il est religieux. Il est mieux que quelqu'un qui n'a pas de l'argent, il est religieux. Parce que celui qui a de l'argent, il va faire beaucoup de choses avec cet argent. Ensuite, quand on vit alhamdoulilah, avec yani, assez d'argent. Ce n'est pas comme on vit serré. On n'a pas de quoi payer l'électricité. On n'a pas de quoi manger le soir si on mange le matin. On n'a pas de quoi acheter les vêtements. On n'a pas. Ça, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Donc, Cheikh dit, si après que la femme ait rempli la première condition, elle est religieuse, si après maintenant elle a de l'argent, ou là elle est belle, ou là elle est la fille de X, il a dit, ça c'est mashallah, c'est lumière sur lumière. Non. Il a dit, lakin ahyanan, mais des fois, non, non, pardon, il a dit, falou ijtama inda al-mar'i imra'atan, maintenant, si un homme a devant lui deux femmes, il a le choix entre deux femmes, ihdahuma jamila wa laysa fiha fisq aw fujur. Regardez bien ce cas. Écoutez bien ce cas qui va venir. Un homme a le choix entre deux, entre épouser l'une des deux femmes suivantes. La première, belle, jamila, wa laysa fiha fisq wa la fujur. Alhamdulillah, elle n'a ni perversité, ni turpitude. Alhamdulillah, yani, elle est yani, correcte. Wa l'ukhra, et la deuxième, duna fi jamal, moins belle, moins belle. لكن أدين منها mais plus religieuse. فأيهما يختار, laquelle des deux doit-il choisir? يختار الأدين, نعم, laquelle des deux doit-il choisir? Maintenant il y a deux femmes, l'une belle vraiment et seulement correcte, pas très religieuse, et l'autre moins belle mais religieuse. Il a dit qui doit-il choisir? Il a dit il doit choisir la religieuse. Il doit choisir la religieuse. لكن أحيانا, mais des fois, بعض الناس يكون مولعا بالجمال. Il a dit, mais des fois, certains gens sont vraiment, vraiment, vraiment attirés par la beauté. Ça, je l'ai dit déjà, ça fait une semaine ou là. J'ai dit, il y a certains conjoints, que ce soit une femme ou là un homme, qui ont dans leurs conditions la beauté. C'est-à-dire, personne ne peut enlever ça du cœur. Celui qui aime la beauté, il l'aime. Personne ne peut lui enlever ça du cœur. Et il est libre. Ce n'est pas interdit qu'il choisisse un beau, ou là, qu'il choisisse lui une belle et qu'elle choisisse elle un beau. Mais est-ce qu'elle a choisi aussi la religion? C'est ça seulement le problème. Al-Muhim, il a dit, certains gens sont des fois yani, très attirés par la beauté. Naam. Wa idha alima anna mra'atan, anna hunaka mra'atan jamila, la tatibu nafsuhu binikahi min dunia fil jamal. Il a dit, certains gens sont yani, du genre très attiré par la beauté, et s'il sait qu'il y a dans les environs, il y a une femme très belle, ou bien belle, celui-là, il a dit, alors il ne peut se marier avec une autre, avec une moins belle que celle-là, même si elle est plus religieuse. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire à celui-là? Il y a des personnes comme ça. Il aime vraiment la beauté, et il y a une voisine ou là qui est très belle. Non. Et, mais, il y a une deuxième voisine qui est moins belle qu'elle, mais elle est plus religieuse. Elle est plus religieuse. Il a dit, qu'est-ce qu'on va dire à celui-là? فَهَلْ نَقُولْ إِنَّكَ تُكْرِهُ نَفْسَكَ عَلَى هَذِهِ دُونَ هَذِهِ. Est-ce qu'on lui dit, tu dois yani, te forcer à ce que tu te maries avec celle-là qui est moins belle, alors que toi, tu es très influencé par la belle? أو نقول خذ من ترتاح لها ما دامت غير فاجرة. Ou bien on lui dit, choisis celle yani, en laquelle tu sens que ton cœur a penché. L'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est qu'elle n'est pas une perverse. L'essentiel c'est qu'elle n'est pas une perverse. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, ici on va lui dire la deuxième des choses, c'est-à-dire on lui dit, prends celle qui pour toi est la belle, puisque vraiment, yani, tu es intéressé par les belles, puisque c'est une condition pour toi, mais, yani, alhamdoulilah, à condition que la femme elle, soit correcte, yani, le genre qui passe la prière, qui ceci, yani, elle n'est pas perverse, c'est pas le genre qui sort yani, sans hijab, sans ceci, non, elle est correcte, mais disons, c'est pas une talibat ou ilm, elle n'est pas yani, vraiment religieuse. Naam. Il a dit, donc, prends la deuxième, elle a dit, yani, il prend la première, celle qui est belle, mais il a dit à condition, il ne faut pas qu'elle ne soit pas yani, religieuse du tout. Il ne faut pas qu'elle soit perverse. Bimanana fasiqa. فهذه لا ينبغي أن يأخذها. Celle-là, il ne lui est pas permis de se marier avec elle. Naam. Et il a dit, certains gens disent, أتزوج امرأة غير دينة لعل الله أن يهديها على يدي. Je vais marier avec une femme qui n'est pas religieuse, hein, mais parce qu'elle est belle et elle me plaît, donc je me marie avec elle à cause de la beauté. Mais, Inch'Allah, je demande à Allah Ta'ala qu'il la guide, que je sois moi la cause de sa guider. Naam. Moi, je suis un akh, Masha'Allah, talibou'in, du matin au soir, les livres, etc. Bon, elle n'est pas très religieuse, mais Inch'Allah, Allah Ta'ala, peut-être qu'il la guidera, et elle sera comme moi, ou alors elle sera mieux. Naam. Cheikh Ibn Uthaymeen dit ici, il a dit, نحن نقول, rahmatullah, نحن نقول, لا نكلف بالمستقبل. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala, ne nous a pas, yani, demandé de voir comme ça à l'avenir. Le mustaqbal, c'est le mystère. Personne ne sait ce qui va se passer demain. فربما تتزوجها تريد أن يهديها الله على يدك ولكنها هي تحولك إلى ما هي عليه فتشق على يدها. Il a dit, des fois, quelqu'un veut se marier avec une femme avec l'intention de, yani, la guider بإذن عز وجل pour qu'elle soit comme lui, et voilà que c'est le contraire. Voilà que c'est elle qui l'a guidé vers le mauvais chemin, et voilà qu'il a tout perdu à cause d'elle. Naam, beaucoup de gens disent comme ça. Je me marie avec celle-là, je sais que yani, elle n'a pas le hijab, elle n'a pas ceci. Naam. Mais Inch'Allah Ta'ala, je vais lui apprendre le dîn, etc. Et des fois, il se marie avec une femme de ce genre, et il tombe avec une femme, par exemple, difficile de caractère. Ou là, une femme imposante. Il y a des femmes comme ça, imposantes, qui s'imposent. Et le voile a devenu très faible devant elle. Classe, c'est elle qui parle, et lui qui baisse les yeux. Et il ne tardera pas, celui-là, à devenir comme elle, à délaisser la salat, et à faire des choses, yani, de haram, etc. Naam. Pourquoi ? Il a laissé quelque chose qui est devant lui, la voilà, la sœur, la religieuse qui t'attend, et il est allé jouer à la loterie. Il a joué et on ne sait pas. Peut-être il va gagner, elle va être guidée. Peut-être il va perdre, c'est lui qui va être guidé par elle. Naam, et le voilà qui a tout perdu. Il a dit, وَكَذَلِكَ بِالْعَكْسِ. Et aussi, yani, en opposé. بعض الناس يخطب منهم الرجل الفاسق. نعم, certaines familles, il y a l'homme, le prétendant, qui est pervers. Et il vient leur demander leur fille. نعم, des fois, il y a un homme qui est pervers. Et il vient leur demander leur fille. نعم, il vient leur demander leur fille. Alors qu'ils savent, qu'il est pervers. نعم, il a dit, فَيَقُولُونَ لَعَلَّ اللَّهَ نِيَهْدِيَهُ. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va le guider. Bon, on sait qu'il ne fait pas la prière, on sait qu'il boit l'alcool, on sait que c'est quelqu'un qui court derrière les femmes, etc. Mais nous, notre fille, et masha'Allah, avec le djibab et doros, etc., peut-être que ça va être, notre fille va être une cause pour sa guider. Et masha'Allah, il va mettre le kamis, la barbe, etc., etc. Naam. Comme ça disent certaines personnes, bien sûr, avec une bonne niya. Il a dit, وَأَقْبَحْ مِنْ ذَلِكَ. Et, yani, plus mal que cela, أَنْ يُعَرْفْ بِعَدَمْ salat. Que le prétendant soit connu que c'est du genre qui ne fait pas la salat. فَيَقُولُونَ لَعَلَّ اللَّهِ يَنْ يَهْدِيَ. Et ils vont dire, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va le guider avec notre fille. Et nous on leur répond, la nukallaf bil mustaqbal. Nous le futur, Allah ta'ala ne nous a pas dit de yani, regarder au futur, etc. Il ne nous a pas dit cela. Lakin nukallaf bima bayna aydina. Nous on regarde ce qu'il y a entre nos mains. Je ne vois pas ce qui va se passer demain. Je ne suis pas responsable de ce qui va se passer demain ou dans un an. Je suis responsable de choisir entre cette fille et cette fille, entre cet homme et cet homme, entre le religieux et le pervers. Naam. Je ne vais pas dire peut-être le pervers va devenir religieux demain. Non, c'est pas juste. Ce n'est pas vrai. C'est seulement un souhait. Comme le pervers peut devenir religieux, le religieux peut devenir pervers. Aussi, c'est la même chose. Non. Ici, il a dit, فَلَعَلَّ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ أَنَّهُ سَيْسْتَقِيمُ لَعَلَّهُ يُعَوِّجُ بْنَتَكُمْ وَيُدُلُوَ. Cet homme, ce prétendant, duquel vous avez pensé que peut-être il va être guidé, qui vous a dit que il ne va pas égarer votre fille? Naam, il va égarer votre fille. Qu'est-ce qui vous a dit qu'il va être guidé et qu'il ne va pas égarer votre fille? Naam, d'où vous savez cela? Parce que l'homme en général, yani, il a la saytara. Qu'est-ce que la saytara, ça veut dire? Il commande. L'homme en général, yani, il commande. C'est quand il dit quelque chose, c'est quelque chose. Naam, en général, c'est lui, yani, يسيطر. وكم من امرأة ملتزمة تزوجت شخصا تظن أنه دين فتبين أنه غير. Et combien de femmes il a dit, et combien de femmes multazima, mashallah, de vraies sœurs, se sont mariées avec un homme qui, elles croyaient qu'il était religieux, et elles ont trouvé qu'il n'était pas religieux à la fin. Naam. فتعبت معه التعب العظيم. Alors, elle s'est fatiguée avec lui, la grande fatigue. Naam. Quand quelqu'un est talibou ilm, il aime le ilm, il est salafi, il est ceci, il se marie avec une femme qui est contre ces choses, c'est déjà le petit enfer. C'est ça le petit enfer. C'est le petit enfer. Et la même chose, une sœur qui aime le ilm, qui aime la science, qui aime les ulama, elle va se marier avec quelqu'un qui aime le stade, et qui aime le football, et qui aime le cinéma, et qui aime les cigarettes. Celle-là, elle va être vraiment fatiguée toute sa vie avec lui. Et au moins, s'il la laisse déjà écouter les doulous et aller à la mosquée et côtoyer les sœurs, c'est déjà quelque chose. Il y en a même qui sont contre. Il lui dit, non, tu n'écoutes pas les doulous. Ceci, cela. La hawla wa la quwwata illa billah. Non. Il a dit, Cheikh Allah yarhamo, wa nahnu da'iman yushka ilayna hadha al-amr min an-nisa. Il a dit, il nous toujours, les femmes viennent se plaindre à nous. Et nous toujours, les femmes viennent se plaindre à nous. Hatta tawudda, hatta tawuddo. Non, pardon, hatta tawudda, nam. En tafirra bidinha min al-ra. Jusqu'à ce que des fois la femme, il dit, Cheikh bin Othaymeen Al-Ahmoud dit, jusqu'à ce que la femme des fois voudrait se sauver de cet homme avec son din. Elle dit, khlas, je quitte cet homme et je me sauve avec mon din. Walou bi kulli ma tawudda. Même si je dois donner tout l'argent du monde, je dois donner tout mon argent du monde. Et c'est pour ça qu'il dit, il faut bien faire attention avant le mariage. Il faut bien faire attention. Soit que ça soit du côté de l'homme, ou bien que ça soit du côté de la femme. Il faut bien faire attention. Non, que ça soit du côté de l'homme, ou bien que ça soit du côté de la femme. Donc, premièrement, c'était quoi? On avait dit les conditions. Premièrement, il a dit une seule. Deuxièmement, il a dit quoi? Il a dit religieuse. Et troisièmement, on va dire seulement la troisième, on va laisser les deux autres à la prochaine fois, et les trois autres à la prochaine fois. Troisièmement, il a dit ajnabiya. De préférence, il se marie avec ajnabiya. Ajnabiya, de préférence, il se marie avec une femme qui n'est pas de la famille. Et la femme se marie avec quelqu'un qui n'est pas de la famille. Ça, c'est, il a dit, la troisième description, yani. Non, maintenant il va expliquer pourquoi. La takuna min bani ammi, qu'elle soit pas un étranger, non, qu'elle soit pas de ses cousins. Elle se marie pas avec une cousine. Et elle ne se marie pas avec un cousin. Bel takun min unas ajanib, mais de préférence qu'elle soit de gens étrangers, étrangers par rapport à la famille. Et il a dit à cause de deux choses. Et si j'oublie, rappelez-moi, pour que je dise la troisième chose qu'il n'a pas cité lui. Si j'oublie, rappelez-moi. La première des choses. أَنَّهُ أَنْجَبْ لِلْوَلَدْ يَعْنِي يَكُونُ فِيهِ نَجَابًا. Il a dit, pourquoi quand il se marie avec une étrangère, c'est mieux que de se marier avec sa cousine. Non, pourquoi? Il a dit, premièrement, pour l'enfant. L'enfant, il sera, mashallah, doué. Il sera plus doué que lorsqu'il se marie avec sa cousine. Pourquoi? Il a dit, لِأَنَّهُ يَأْخُذْ مِنْ طَبَائِعِ أَخْوَالِهِ ومن طبائع أهله فتكون من ذلك فيتكون من ذلك خلق من خلقين جميعا. Il a dit, regardez, quand quelqu'un se marie avec une étrangère, ils vont avoir un bébé, l'enfant. L'enfant, il va prendre, bien sûr, du sang de sa mère et de son père, bien sûr. Il va prendre donc du caractère de sa mère et de ses oncles. Et de l'autre côté, du caractère de son père et de ses cousins aussi. Non. Mais s'il se marie avec sa cousine, l'enfant ne va prendre que d'une seule partie. Car en fait, sa cousine et son père, ce sont la même famille. Donc l'enfant ne va tirer que d'un côté. Mais quand elle se marie avec un étranger, l'enfant va tirer de deux côtés. Du côté de la mère, les oncles, et du côté du père, Amamou. Donc il va tirer min akhwalihi et Amamihi. Ses oncles et ses... Je ne sais pas comment on dit la chose. Non. Et deuxièmement, la deuxième cause, أنه ربما حصل بينه وبينها جفوة فيؤدي إلى قاطعة الرحم. نعم. Il dit, quand il se marie avec sa cousine, si jamais il y a un problème, un grave problème, et peut-être que même ils vont divorcer ou se séparer, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une coupure des liens de parenté. نعم. Alors, sa cousine, qui était sa femme, il ne va plus lui parler. Donc il ne va plus parler à sa cousine. Naam, il ne va plus parler à son oncle. Naam, il ne va plus parler à son oncle. Parce que c'est le père de sa cousine. Et elle ne va plus parler à son oncle aussi, le père de son mari. Et il ne va plus parler à ses frères. Et elle ne parle plus à ses frères à lui. Et comme ça. Hada, yani s'il divorce, etc. Maintenant, même s'il ne divorce pas, il y a seulement une altercation entre les deux. Par exemple, où il y a une mésentente, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une froideur dans les relations. Déjà entre la famille à elle et la famille à lui, déjà ça ne marche pas. Il y a beaucoup de froideur. Naam. Et autre chose aussi, que, attendez ici, il n'a pas cité. Naam. Je vais venir à la troisième chose. Si je l'oublie, dites-le moi. Le Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit ici, « Wa ma qaluhu sahih » Et ce qu'ils ont dit ici, c'est vrai que celle qui est mieux que la cousine, il a dit, et les deux causes qu'ils ont citées sont des causes vraies. Mais, il a dit, mais si maintenant, il y a deux femmes, une qui est une cousine et l'autre qui est étrangère, on a dit que de préférence, il se marie avec l'étrangère. Mais si par exemple ma cousine est plus religieuse, par exemple, que l'étrangère. Naam. Il a dit, ici de préférence, il se marie avec sa cousine. Naam. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié avec elle à cause du din. À cause du din. Naam. Il s'est marié à cause d'un facteur qui lui demandait. C'est quoi? C'est le din. Naam. Disons, la cousine est plus religieuse que l'autre, que l'étrangère. Il a dit, dans ce cas, avec sa cousine, c'est mieux. Mais, si elles sont les deux pareilles, elles sont les deux religieuses au même point, les deux assez belles au même point, les deux assez pieuses au même point, dans ce cas, il a dit, il vaut mieux qu'il épouse l'étrangère. Naam. J'ajouterai une troisième, pas condition, un troisième point qu'il n'a pas cité, qui fait que de préférence on se marie avec une étrangère, car il arrive, et il est arrivé dans plusieurs cas, qu'il y ait des maladies, qu'il y ait, naam, et que ça donne des fois un enfant, pas tous les enfants, ça donne un enfant handicapé. Cela a été prouvé par beaucoup de médecins dans ce qu'on appelle le mariage consanguin. Quand il y a le même sang, c'est très près de la famille. Non, ce n'est pas toujours vrai, mais cela peut donner. Cela peut donner. D'ailleurs, moi j'ai un ami ici avec moi qui a cette chose, il est marié avec sa cousine. Non, donc ça peut donner. Des fois ça donne... 5-6 enfants, ça n'a rien. Ensuite, il y a un qui est handicapé. C'est pour ça que certaines personnes, maintenant, avant de se marier, font, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, font des choses comme ça sur le sang, hein, pour voir est-ce que lui, il est A positif, et elle est, par exemple, quel sang. Et comme ça, pour essayer de parer à toute éventualité, yani, de maladie, et de... mais il ne faut pas yani, trop rentrer dans ces choses pour ne pas rentrer dans le SOS. Pour ne pas rentrer dans le Ouest. Comme Cheikh Naam, des tests, ça, ils font des tests. Comme Cheikh Abdel Malik Ramadan et Hafidhahullah, aujourd'hui on parlait au téléphone, il m'a dit que y en a plusieurs femmes, plusieurs sœurs, lui disent par exemple que j'ai dans le ventre quelqu'un, un enfant, un bébé, mais on a fait l'échographie, CIRAS et ceci, cela, ça a été prouvé qu'il est handicapé. Est-ce que je peux l'avorter? Il m'a dit, et à chaque fois je dis non, c'est interdit. Comme dit d'ailleurs Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est interdit. Si Allah Ta'ala a insufflé l'âme, il est interdit de faire avorter. Au point où Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamou, j'ai jamais lu cela, seulement chez lui, ça m'a étonné. Il a dit, même si la mère, Allahu Akbar, si sa mère doit mourir, qu'elle meure, pour qu'il soit lui sauvé. Il a dit, il n'y a pas de il n'y a pas de, comment on dit ça, pour quelle raison? Il n'y a pas de raison pour qu'elle le fasse mourir, pour qu'elle vive elle. Il n'y a pas de raison. Classe, c'est un bébé, on a insufflé l'âme, c'est un être humain comme elle. Il a tous les droits comme elle. Elle ne peut pas l'avorter, sauf si elle est sûre qu'il va sortir vivant. Mais si elle va yani, l'avorter pour qu'elle vive elle, et quitte à ce qu'il meure lui, elle a tué un croyant, amdan, sciemment. C'est très grave. C'est très grave. Non. Donc, Cheikh Hafidhahullah, Cheikh Abdel Malik disait que à chaque fois je leur disais non, c'est interdit l'avortement. Non. Et il m'a dit, et alhamdoulillah, à chaque fois après que la femme accouche, on me téléphone et on me dit, le bébé est, masha'Allah, il n'a aucun handicap. Subhanallah. Alors que les médecins avaient juré que, khalas, il était handicapé, qu'il ne pouvait pas vivre et qu'il fallait mieux l'avorter. Il me dit, wallah, c'est pas une femme, pas deux. Mon téléphone, ils m'ont dit, et alhamdoulillah, on a pris de la nasiha et il est sorti, masha'Allah, c'est un poupon, bi'idhnillah azza wa jal. Il reste trois autres conditions, je les laisse pour la prochaine fois. Je vous dirai seulement quelles sont les trois autres conditions qu'il a posées. Il a dit, de préférence, il faut qu'elle soit vierge. Et la quatrième, de préférence, il faut qu'elle soit une femme féconde, qui donne beaucoup d'enfants, pas stérile. Et enfin, il a dit, de préférence, une femme qui n'a pas de mère. Une femme sans mère, c'est-à-dire dont la mère est morte. On verra après, inshallah, par détail, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là, et que disent les ulama dans cela, inshallah ta'ala. Je vous rencontre, inshallah ta'ala, dans 10 minutes pour vous répondre à vos questions, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Gardez seulement les mains levées. Je réponds seulement à ceux qui ont les mains levées pour que je ne me fatigue pas en enlevant les points rouges aux autres ensuite, à chaque fois, toi, toi. Restons seulement avec ceux qui ont les mains levées. Et jazakumullah khairan, posez les questions seulement sur le mariage, barakallahu, surtout sur ce qu'on a dit. Et ensuite, jazakumullah khairan, ne posez pas les cas personnels. Les cas personnels. Mon mari a fait ceci, je veux ceci, est-ce que je fais ceci? Ça s'appelle fatwa. Mais poser des cas généraux. Qu'en est-il de l'islam, d'une femme qui fait ceci, d'un frère qui a fait ceci, en général? Naam, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Abdullah, écris-moi ainsi tu le montes, Abdullah. Abdullah, est-ce que tu as le Coran à la maison? Est-ce que tu as le Coran? Est-ce que tu peux mettre le Coran? Est-ce que tu as le Coran? Pas de micro. Allah yahdik, tu n'as pas acheté le micro, Allah yahdik, hein? Tayyib, maalish. Salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatuh. Fais sort, inshallah. Je vous ai dit une fois, plusieurs fois, que quand quelqu'un est dans la liste, qu'il est en haut, ensuite que par déconnexion il se trouve en bas ou là, qu'il me la prenne et je lui donne sa place, inshallah ta'ala. Donc, ceux qui ont perdu leur place, les deux sœurs qui ont perdu leur place, m'ont écrit. Donc, je commence par la première, inshallah ta'ala, qui est Asya 67. Tafadhali. Alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. N'écris pas plus de 5 lignes. Plus de 5 lignes, le pasteur n'accepte pas. 4 lignes, inshallah, et tu affiches. Taïb, sinon, donne-les à Omar Abdullah. Sinon, donne-les à Omar Abdullah. Non, si tu as terminé, écris numéro 1. Si tu as terminé, écris numéro 1. Pas terminé. Tafadhal. Taïb, on voit les mois ici, chauffe. On voit les mois ici. Maintenant, j'ai un PV avec toi. Envoie-les-moi dans mon PV. Taïb, Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc, moi, je vais te mettre ici, Inch'Allah. Quels sont les droits du père sur un enfant eu hors mariage? Mariage civil, mais pas religieux. Est-il tout de même tuteur pour le mariage et le père qui ne prie pas? Est-il tuteur? Naam. Le mariage, je vais poser la question Asia. Le mariage civil, est-ce qu'il était dans une mairie de musulmans? Est-ce qu'il était dans une mairie de musulmans? J'attends la réponse. Non, taïb. Puisque non, c'est qu'il n'est pas valable. Si c'était dans une mairie de musulmans, naam, et qu'il y avait les témoins, les deux témoins, qui, Inch'Allah ta'ala, sont fiables, le Oudoul, et il y avait le tuteur de la femme, naam, Inch'Allah ta'ala, ça aurait été valable. Mais puisque c'est dans une mairie de France, ce n'est pas valable, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Donc, pour l'enfant suit la mère. Naam. Quand le mariage n'est pas religieux, l'enfant yani, qui est né d'un mariage pareil, suit toujours la mère. C'est-à-dire la mère, c'est sa mère et le père n'est pas son père. La mère, c'est sa mère et le père n'est pas son père. C'est-à-dire que elle ne peut pas l'hériter. Elle ne peut pas l'hériter parce que ce n'est pas son père. Naam. Est-il tout de même tuteur pour le mariage? Naam. Maintenant, est-ce qu'ils ont fait la khod? Est-ce qu'ils ont fait la tauba, etc.? Ils ont refait le mariage ou ils ne l'ont pas refait? Maintenant, j'attends ta réponse. Mais c'est tout de même un mahram alors. Naam. Non, ils n'ont pas refait. Naam, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Naam. Des fois, quelqu'un est mahram, mais en même temps, il n'est pas tuteur. Mais en même temps, il n'est pas tuteur. Ça veut dire, devant cet homme, je peux par exemple montrer mes cheveux, mais il n'est pas tuteur, puisqu'il ne fait pas, par exemple, la prière, si tu es du genre qui considère que celui qui ne fait pas la prière est kafir. Si tu es du genre qui dit que celui qui ne fait pas la prière est kafir. Mais ces deux-là, Inch'Allah ta'ala, pourquoi qu'ils ne font pas maintenant yani, la tauba et le mariage? Pourquoi qu'ils ne font pas la tauba et il fait le mariage de nouveau, le vrai mariage? Je ne vois pas pourquoi ils ne font pas cela. Donc je répète, quand une femme, naam, remarie une autre femme, d'accord, je comprends, naam. Quand une femme veut se marier, beaucoup demandent, est-ce que mon père il peut être tuteur et il ne fait pas la prière? Je réponds, et c'est aussi la réponse de Cheikh Abdul Malik Hafidhahullah, Abdul Malik Ramadani. Je réponds, si la sœur est du genre qui dit que celui qui ne fait pas la prière est kafir, donc il ne peut pas la marier. Et si elle est du genre de l'avis de Cheikh Al-Albani qui dit qu'il n'est pas kafir, donc dans ce cas il peut la marier. Donc ça joue un grand rôle, ce qu'on pense, yani, d'après notre yani, aqida, d'après ce qu'on pense, d'après notre avis aussi. Naam. Inch'Allah ta'ala, voilà bi'idnillah azza wa jalla la réponse. Il y avait une deuxième sœur, ensuite c'est Salama. Il y avait une deuxième sœur, ensuite c'est Salama. Naam. Taïb, où est la deuxième sœur? Naam. Il y avait une deuxième sœur qui était en haut, c'est Sakina 32. Tafadhali, ensuite directement Salama. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que la polygamie est une sunna ou simplement un droit qu'Allah a accordé aux hommes? Non. Ah, j'ai pas répondu pour le mari, pour le wasmo. Le père est dans ce cas mahram, on ne peut pas recevoir son héritage. En ce qui concerne l'héritage, avant de répondre à Oksakina, en ce qui concerne l'héritage, non. Quand une enfant ou là, un enfant est né d'un mariage illégal, non. Quand un enfant est né d'un mariage illégal, cet enfant ne peut pas hériter du père, mais cet enfant hérite de la mère. Cet enfant hérite de la mère et n'hérite pas du père, parce que le père n'est pas son père, mais sa mère est sa mère. Mais que peut faire par exemple cette personne? Elle peut par exemple demander à cette personne qui n'est pas son père, pseudo-père, de lui faire par exemple un don, si elle veut, si le père, qu'on dit qu'il n'est pas son père, s'il veut lui faire un don avant de mourir, lui dit je te donne telle chose ou telle chose, telle chose, qu'elle l'accepte, parce que elle ne peut pas l'hériter. Parce que pour hériter, il faut qu'il soit son père. Elle ne peut pas hériter un étranger. Naam. Tayyib. Assalamu alaikum. Est-ce que la polygamie est une sunna ou simplement un droit qu'Allah a accordé aux hommes? Est-ce que ce n'est pas un péché pour les frères des pays non musulmans qui se marient une deuxième fois au lieu de faire la hijra, etc. Tu viens d'entendre l'avis des ulama sur la polygamie. Cheikh Al-Albani a dit c'est mustahab. A dit c'est mustahab. Yani, si tu le fais, si tu as des ajr. Et Cheikh Ibn Uthaymeen a dit on ne le fait pas pour les désirs. Si on le fait, on ne le fait pas pour les désirs. Mais on le fait comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour aider une famille, etc. Pour avoir des relations avec d'autres familles, pour aider une femme qui n'a pas pu se marier, pour aider une femme, une veuve, pour aider une orpheline, pour aider une femme qui a des enfants. C'est comme ça que, dans ce but, inshallah ta'ala, on doit ta'ala, se marier. Mais si quelqu'un se marie avec une deuxième, troisième, quatrième, même si ce n'est pas dans ce but, c'est permis. Même si ce n'est pas dans ce but, il se marie à cause qu'elle est belle, ou là, à cause qu'elle a de l'argent, ou là, c'est permis. Il n'a pas fait quelque chose yani, de parfait, mais c'est permis, car Allah Ta'ala a permis à l'homme de se marier avec quatre femmes. Mais Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, si quelqu'un nous demande qu'on lui donne la zakat pour qu'il se marie, on lui donne ou on ne lui donne pas? Il a dit, on lui donne, si vraiment il n'a pas d'argent. Ensuite, il a dit, et s'il nous demande de nous donner pour que je me marie avec une deuxième? Là, il a dit, on va voir. Est-ce qu'il veut se marier avec la deuxième à cause des tentations seulement, ou bien il veut se marier avec la deuxième car la première ne lui donne plus ses droits. Elle est malade, elle ne peut pas, elle ne veut pas, etc. etc. Il a dit, si c'est le cas, on peut lui donner la zakat pour le marier avec la deuxième. Sinon, on ne lui donne pas. Là, on l'a marié une fois, ça suffit. Naam. Et tu as dit, est-ce un péché pour les frères de pays non musulmans qui se marient une deuxième fois au lieu de faire la hijra? Naam, la hijra est beaucoup plus obligatoire, yam, et plus, yam, son poids est beaucoup plus lourd que se marier avec une deuxième. Naam, son poids est beaucoup plus lourd que de se marier avec une deuxième. Est-ce que c'est un péché ou non? Je ne sais pas. Je ne peux pas rentrer dans cette chose. Mais je sais que yam, faire la hijra est beaucoup plus aimé par Allah, subhanahu wa ta'ala, que seulement se marier avec une deuxième. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Umu Salama, tafadhali. Une sœur demande. Salam alaikum. Alaikum salam. Ton mari s'est marié avec une deuxième femme en cachette, sachant que la sœur ne voulait pas. La sœur l'a viré, car ça fait 3 ans qu'il est avec la deuxième. Peut-elle divorcer? Car lui, il ne veut pas la divorcer. Il dit qu'il est dans son droit. Naam. Naam. Il avait le droit de se marier avec cette femme. Naam, il avait le droit de se marier avec cette femme. La sœur l'a virée. Qu'est-ce que ça veut dire la virée ici? Le mot virée ici, qu'est-ce que ça veut dire? Elle l'a virée. Elle a divorcé, elle ne peut pas divorcer. Qu'est-ce que ça veut dire la virée? De chez elle. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam, en fait, il peut se marier, sans lui demander son avis. Il peut se marier avec la deuxième, la troisième, la quatrième, sans lui demander son avis. Surtout, ou bien je dirais puisque elle n'avait pas fait. Elle n'avait pas fait comme condition qu'il ne se remarie pas. Si elle avait fait comme condition qu'il ne se remarie pas, et il s'était remarié, là, on aurait annulé ce mariage. Elle aurait pu l'annuler. Naam. Mais maintenant qu'il s'est remarié, naam, il a menti, certes, il a menti. C'est quoi? C'est un péché. C'est un péché. Il a menti, naam. Mais elle n'a pas le droit de lui dire « divorce-la ». Elle n'a pas le droit de lui dire « divorce-la ». Maintenant, si elle voit qu'elle est très jalouse et qu'elle n'a pas pu, elle ne peut plus supporter, elle est très jalouse ou trop jalouse, qu'elle aille chez un tribunal musulman pour, yani, lui dire ce qui s'est passé. Peut-être qu'il la séparera. Peut-être qu'il la séparera. Naam. Elle avait aimé. Ah, je n'avais pas dit ça dans le premier paragraphe. En cachette, sachant que la sœur ne voulait pas. Ne voulait pas. Naam. Tu dis sachant que la sœur ne voulait pas. Ce n'était pas une condition. Elle ne voulait pas. Toutes les femmes ne veulent pas. Aucune femme ne veut que son mari se marie une deuxième fois. Mais si elle a mis une condition, c'est grave pour lui. Naam. Si elle a mis une condition, c'est grave pour lui. Dans ce cas, elle peut annuler le mariage. Si elle a mis comme condition qu'il ne se marie pas, il s'est marié, elle peut annuler son mariage. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Sabr amel, tafadlali. Question d'une personne qui demande si vous occupez toujours du mariage, que cette personne a du mal à trouver. Jazakallah khair. Naam. Une seconde, inshallah ta'ala. En ce qui concerne le mariage, je ne m'occupe plus de cette chose parce que les hommes, certains hommes de la science m'ont conseillé de ne pas continuer dans cette chose. Et maintenant même, moi si je voulais continuer, la sœur qui était avec moi, qui m'aidait, n'est plus ici. Elle n'est plus dans la salle pour faire ce travail qui est très lourd, avec lequel Yanné, elle passait beaucoup de temps. Naam. C'est pour ça qu'elle fasse des doigts, que Allah subhanahu wa ta'ala la marie. Et nous, inshallah ta'ala, on va lui faire des doigts, bi-idhnillahi azza wa jal. Naam. Jamel 38, tafaddal. Wa alaykoum salam, wa rahmatullah. Je voudrais savoir si la femme veut, inshallah, un enfant de plus et que le mari ne veut pas. Est-ce qu'il peut lui refuser? Mais le mari n'a pas le droit d'épouser une autre femme par désir, si j'ai bien compris, à peu près, et s'il veut se marier avec sa femme. Gravement jalouse, car j'aime mon mari, mais je n'arrive pas à la partager. Si la femme veut, inshallah, avoir un enfant de plus que le mari ne veut pas, est-ce qu'il peut lui refuser? Naam. Un mari, naam, normalement, il ne refuse pas. Naam. Ce ne sont pas des choses qui se refusent. D'ailleurs, c'est le prochain dars, inshallah ta'ala, c'est le prochain dars que yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se vanter de cette nation demain devant les autres nations et devant les autres messagers. C'est pour ça que plus on a d'enfants, plus c'est mieux et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala descend. Mais ils peuvent être d'accord. Hein, ils se mettent d'accord, par exemple, pour espacer les naissances. Ils peuvent se mettre d'accord pour dire, par exemple, cette année, on essaye d'isoler, faire le hasl pour ne pas avoir, inshallah ta'ala, de bébé jusqu'à ce qu'il grandisse celui-là un peu, et ensuite, on fait comme ça. Naam. Mais s'il n'a pas de raison valable, il ne peut pas lui refuser. Naam. Mais il faudrait qu'il se mette d'accord. Et le mari n'a pas le droit d'épouser une autre femme par désir, si j'ai bien compris, peut-être. Il veut se marier, que sa femme vient mon jour, je reviens mon mari, je n'arrive pas à partager. Naam. Un homme, j'ai dit qu'il pouvait épouser une deuxième femme, c'était permis, mais j'ai dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'épousait pas par désir. Naam. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahou, a dit qu'il mette le désir en quatrième position. Il commence par, comme j'ai dit tout à l'heure, imiter le prophète, alayhi wa sallam, yani essayer d'aider des gens, etc. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, troisième position, ou bien quatrième position, il se marie à cause du désir. Et le désir rentre dans quoi? Dans la chasteté. quand il veut préserver sa chasteté, il est obligé de passer par le chemin de yani, assouvir ses désirs. Il est obligé de passer par là. Mais de préférence, on ne se marie pas par désir. Car le désir est éphémère. Le désir est éphémère. Vite, il s'évapore. Et ensuite, on a fait ce qu'on voulait avec la femme. Et maintenant, elle qui nous paraissait très belle et très attirante, elle nous paraît très normale. Et on va dire, pourquoi alors me suis-je marié? Pourquoi avoir mis une corde dans mon cou? J'étais bien avec une seule, maintenant j'ai deux responsabilités. Mais s'il se marie à cause qu'elle est orpheline, ou là à cause de l'aider, ou là à cause du din, ça reste toujours, ce n'est pas éphémère. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Islamia 3, tafadhali. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir si la femme peut refuser la polygamie. Naam, la refuser, c'est-à-dire dire non, tu te maries pas, etc. En islam, l'homme peut se marier sans l'avis de la femme. Naam, parce qu'il y a la règle qui dit ma la yushtarat idmuh, la yushtarat idmuh. Ma la yushtarat idmuh, la yushtarat idmuh. Quiconque, si on n'a pas besoin de sa permission, donc on n'a pas besoin de yani, qu'on lui apprenne la chose, qu'on lui apprenne yani, la nouvelle. Ma la yushtarat idmuh, la yushtarat idmuh. Ou l'axe, ma la yushtarat. Non, c'est ça. Il peut se marier sans mon accord. Ça. Et avoir une deuxième. Non. La femme, si elle ne veut pas la polygamie, il faut qu'elle mette ça comme condition. Comme condition. Non. Car Allah Ta'ala lui a donné yani, la possibilité de se marier. De se marier, pardon. Allah Ta'ala lui a donné la possibilité de se marier. Naam. Mais si la femme n'accepte pas cette chose, qu'elle la mette comme condition dans le mariage, pas après. Après, elle ne peut pas l'arrêter. Sauf si, bien sûr, il veut l'écouter, ou là, s'il la respecte, ou là, s'il yani, il sait qu'elle est très jalouse, il ne veut pas blesser ses sentiments, etc. Mais maintenant, s'il va le faire en cachette, personne n'a le droit de lui dire pourquoi tu l'as fait. Naam, et là, mais comme condition. Naam, si c'est comme condition, il n'a pas le droit. Naam, si c'est comme condition, il n'a pas le droit de lui désobéir. Si c'est comme condition, elle a même le droit d'annuler le mariage. Naam, si elle a fait ça comme condition. Naam, donc il faut bien faire la différence entre celle qui fait la condition et celle qui ne la fait pas. Naam, car toutes les femmes n'acceptent pas que leur mari se remarie. De refuser. C'est la jalousie. Naam. L'essentiel, c'est de quoi? C'est de reconnaître que c'est halal. L'essentiel, c'est que quoi? Je reconnais que c'est halal. Mais seulement, je suis jalouse. C'est tout. Mais je reconnais que c'est halal. Car si une femme va dire que c'est pas halal, elle rentre dans le coffre. Alors elle dit, ça, je reconnais que ça se fait. Naam. Bassou 81, tafadhal. Alaykoum salam. Est-ce qu'il est permis à une femme de refuser que son mari épouse une deuxième femme quand elle est sûre qu'elle ne s'entendra pas avec elle si et qu'elle sait qu'elle sera injuste avec l'une d'elles? Naam, quand elle se bat sur une chose pareille pour son mari qui veut se marier, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Car lui, il n'a pas le droit de la faire habiter avec elle dans un même appartement. Naam. Et toi, tu t'entends pas avec elle. Ça ne gêne pas beaucoup. Lui, il est une nuit avec toi, une nuit dans l'autre ville ou là, l'autre quartier ou là, que vous vous entendiez ou pas, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est quoi? C'est que, yani, lui, ça lui est permis. Donc, elle dit, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse pour qu'il se marie pas. Maintenant, si lui, il veut pas se marier à cause que tu es très jalouse et il veut pas te blesser, il veut pas blesser tes sentiments, etc. Et il ne fait pas cette chose en ton amour parce qu'il t'aime, ça, a dit, naam. Mais, yani, lui dire, tu te maries pas parce que sinon je vais pas m'entendre avec elle, etc. Maintenant, si lui, il veut se marier, personne ne peut l'arrêter. Naam, surtout qu'il n'y avait pas la condition. il verrait l'une pendant 3 mois et l'autre pendant le reste de l'année. Non. Dans ce cas, c'est lui qui ne peut pas se marier. Dans ce cas, c'est lui ici qui ne peut pas se marier. C'est pas toi qui l'empêche. Parce qu'il faut qu'il soit juste. Naam. Il faut qu'il soit juste. Naam. Ce n'est pas 3 mois. Et il voit l'une pendant 3 mois et l'autre pendant, yani, combien ? Pendant 9 mois. Naam. Ça, ce n'est pas possible. Sauf si celle qu'il voit pendant 3 mois accepte. Elle dit, d'accord, j'accepte que tu ne me vois que 3 mois. D'accord. Si elle accepte. Sinon, il vaut mieux qu'il ne se marie pas parce qu'il va entrer dans les péchés. Je vois aujourd'hui qu'il n'y a aucun frère qui lève la main. Subhanallah al-Azim, je ne vois aucun frère qui a levé la main. Attendez. Abu Abdurrahman, naam. Qur'an wa sunnah, alhamdoulilah. D'accord. Sara, tafadhali. Wa alaykoum salam, barakallahu fikoum, mashallah. Dans quel cas peut-on s'éloigner de sa femme plus de 4 mois? Et quels savants disent qu'il est préférable de se marier avec une seule femme? Barakallahu fikoum. Pour la deuxième question, Cheikh Ibn Uthaymeen dit, Allah yarhamou, dit que, yani de préférence, il se marie avec une seule femme. Naam. Et lui, Allah yarhamou, était marié avec une femme, ensuite elle est morte. Ensuite, il s'est marié avec une deuxième, il l'a divorcé. Ensuite, il s'est marié avec une troisième. Ça veut dire quoi? Qu'il a été toujours avec une seule femme. Naam. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahou est de l'avis que, de préférence, pour ne pas disperser la femme, etc., on se marie avec une seule. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Maintenant, dans quel cas peut-on s'éloigner de sa femme plus de 4 mois? On peut s'éloigner plus de quatre mois loin de sa femme quand on a sa permission. Si elle permet, elle lui dit par exemple, va travailler dans un autre pays et ça ne fait rien. Yani, je t'attends, etc. Elle peut. Il peut, pardon. Ou alors, c'est une daroura. Par exemple, il a été emprisonné. Ou par exemple, il est parti, par exemple, pour le Hajjoula. Et il a eu des problèmes, etc. Il n'est pas revenu, il a tardé. Mais c'est plus fort que lui. Ou bien il est parti, par exemple, faire la guerre sainte. Et comme ça. Sinon, il ne lui est pas permis de rester que avec la permission de sa femme. Car sinon, yani, il ne lui a pas donné ses droits. Il n'a pas donné les droits de sa femme. Et par conséquent, il rentre dans quoi? Dans les péchés. Naam. Azerti 93, tafadhal. Abdillah, est-ce que tu es là, Abdillah, est-ce que tu es là? Tayyib, Okht Salafia, puisque tu n'as pas le point rouge. Awalan, salam alaykoum. Et c'est à quelle heure la Isha chez vous en France? La Isha en France, c'est à quelle heure? Tayyib. Je crois que Okht Salafia n'est pas là. Abdillah n'est pas là. Une seconde, Inch'Allah. Talibatou Edm, salam alaykoum. C'est quelle heure la Isha chez vous en France? La Isha en France, c'est à 23h. Hein? 23h, c'est-à-dire... 23h. C'est-à-dire, c'est la Isha chez vous ou la Mazal? Ça fait... Non, 23h, ça fait 23h chez vous. Chez moi, ça fait donc... Est-ce que c'est passé la Isha ou c'est pas passé chez vous? C'est passé, hein? 23h. Ah, l'Hadash. Subhanallah al-Azim, depuis longtemps. Subhanallah al-Azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-Ali al-Azim. Regardez, hein? Chauffe. 23h44. 22h11, Donc c'est maintenant la Isha, parce que maintenant il est 1h moins quart chez moi au Koweït, puisqu'il y a 1 heure entre vous et moi, donc c'est maintenant la Isha, si je comprends bien. Wallahu a'lam. 23h45, naam. Et chez moi, combien qu'il est? Quelle heure il est chez moi? Et j'ai passé, c'est à 23h. Naam, naam. Un geste à 23 heures. Parce qu'il y a quelqu'un, quelqu'un qui m'a téléphoné aujourd'hui de France, il m'a dit l'Isha, c'est à, non, je vais vous dire ici. Il m'a dit l'Isha, c'est à 23h45. Il m'a dit l'Isha en France, c'est à 23h45. Non. Malish, c'est pas grave. Je reviens à la question de Om Adam. Elle a dit, mon mari prie pas, je le déteste, aussi à cause du sihr. Nous sommes séparés toujours. Je ne peux pas être une femme bien comme ça. Il ne m'aide presque pas, ni pour la ruqya. Enfant, 15 ans, 11 ans, 7 ans, et 1 an et demi, mashallah. Puis-je demander une séparation? Et les enfants, ils ne disent pas d'aller à l'école islamique, ou apprendre le Coran, ou n'importe. Ah, n'importe. طيب واسمك الاخت j'ai dit que tous les cas qu'il y a en France c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le tribunal islamique, le tribunal musulman. Naam. Même si yani on ne pratique pas à 100% la charia, mais on pratique un madhhab maliki ou la shafi'i ou là, mais c'est toujours yani dans le contexte islamique. C'est pour ça que yani dans un pays islamique, tu aurais posé plainte dans un tribunal et on t'aurait bien ta'ala séparé si le juge a décidé de cela. Maintenant, moi je te dis une chose, dans un cas pareil comme en France, où il n'y a pas les tribunaux islamiques, etc., on fait venir quelqu'un qui représente la femme de sa famille et quelqu'un qui représente l'homme de sa famille, comme a dit Allah ta'ala dans le Coran. Ensuite, les deux se groupent et ils prennent une décision. La décision qu'ils ont prise, l'homme et la femme sont obligés de quoi? De la suivre. S'ils décident de te séparer, ils te séparent. S'ils décident de faire revenir l'homme vers toi, avec des conditions, etc., ils le feront revenir. C'est comme ça que ça se passe quand il n'y a pas un tribunal islamique. Naam. Mais c'est l'avis aussi de Cheikh Abdel Malik Ramadani, Hafidahullah. Donc toi, si tu n'as pas un tribunal islamique, tu fais venir quelqu'un de ta famille qui te représente. Je suis en Hollande, c'est le même. On habite en Égypte 3 ans, ma famille, c'est takfir. Le frère, à lui, ne prie non plus. Naam. Naam, quand une femme est en Hollande ou là dans un pays où il n'y a pas les musulmans, etc., où il n'y a pas, c'est-à-dire sa famille qui la représente, elle cherche quelqu'un de musulman qui la représente. Elle cherche l'imam de la mosquée, par exemple, où elle va faire la prière, elle demande à l'imam de la mosquée. Elle connaît sûrement des sœurs. Elle parle aux sœurs, les sœurs parlent à leur mari parle à l'imam. Ensuite, l'imam, il vient et il va parler avec ton mari et ils prennent une décision, soit de te séparer, soit de te divorcer, soit de faire le khula, soit de lui faire des conditions et le faire revenir, soit qu'il paye une amende, soit. Non, c'est comme ça quand il n'y a pas un tribunal islamique. Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous aide. Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous aide. C'est vraiment difficile. Tayyib, où est-ce qu'on était? Non. Azerti, est-ce que tu es prêt? Fiki barakallah, amin. Est-ce que tu es prêt, Azerti, ou là on passe à Firdaus? Azerti, assalamu alaikum, hayyakallah, lahayyik. Tout à l'heure, en introduction du cours, vous avez dit, lorsque le mari ne pourra pas passer droit à nous, tu as vu, elle peut se refuser à lui. Naam, continue, Azerti, continue. Ou là, est-ce que tu as terminé? Naam, si tu as terminé, écris-moi numéro 1. Azerti, si tu as terminé, tu m'écris numéro 1. Azerti, tu as terminé? Et aussi, je veux savoir ici en France, beaucoup. Tim. Beaucoup se marient juste religieusement. Que conseillez-vous à Cheikh lorsque ça finit en divorce, il n'y a pas de tribunal religieux, tribunal religieux, etc. Naam. Je commence par la première question. Ce que j'ai dit dans l'introduction, je l'ai dit comme ça, sans vouloir le dire, sans vouloir bien expliquer, parce que j'ai peur que certaines femmes vont prendre ça en général. Elles vont dire, donc là c'est permis, et je le laisse pas faire ses droits, je lui donne pas ses droits. Et elle va rentrer, cette femme, dans le hadith des anges qui vont quoi? Qui vont la maudire jusqu'à ce que le matin se lève. Naam. Cheikh Ibn Uthaymeen, quand il a dit que c'était permis, qu'elle se refuse, c'est dans le cas où il ne fait pas, lui, ses devoirs. Naam. Il la laisse comme ça sans manger, et lui, il est avec des amis dans les restaurants, etc. Naam. Il la laisse comme ça, alors que elle, ce qu'elle lui donne, c'est en contrepartie des dépenses. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Naam. Allah Ta'ala t'a permis l'istimta' avec ta femme à cause de ce que tu dépenses.